Et bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue sur Transmission. Nous sommes le 14 février 2018, il est 8h, l'heure de la matinale de l'ENS. Et après l'avalanche de neige la semaine dernière qui avait quelque peu chamboulé, voire tourneboulé notre émission, réchauffons-nous ce matin en compagnie de toute l'équipe de la matinale, ou presque. En effet, comme le chantait Apollinaire dans la chanson du Mal-aimé, « Revienne le soleil de Pâques pour chauffer un cœur plus glacé que les 40 de Sébaste, moins que ma vie martyrisée. » Apollinaire qui nous permet justement, Clément, de faire la transition avec ses quelques vers entre la semaine dernière marquée par la neige et l'émission d'aujourd'hui, jour de Saint-Valentin, marquée par l'effusion des sentiments. En effet, pour la Saint-Valentin, la matinale de l'ENS voit les choses en rose. Au programme, des émotions, des coups de foudre, des questions co, des questions in, des questions coquines. Bon, on offre, c'était Michel Sardou aux auditeurs qui ont chopé la référence. Et en un mot, une matinale placée sous le signe de l'amour, chantée, Cupidon, volée, petite colombe, la matinale du love va bientôt commencer. Sabine, je te sens tout feu, tout flamme. Et il y a de quoi, c'est une première partie sous le signe du duo qui nous attend. En effet, Chloé nous parlera des couples dans l'art dans sa chronique Expo Tableau Dodo. Puis c'est notre couple de cinéphiles Camille et Hugo qui débattra autour du dernier Clint Eastwood. Enfin, Pierre Dugelge, seul pour sa part, évoquera la place de l'amour dans la géopolitique iranienne. En deuxième partie, qui sera donc ton invité, ton Morgan, ton Valentin du jour? Bonjour à tous les deux, gros love ce matin. Compter, c'est sexy. Quand c'est pour marquer les pas du mambo, Lou Béga aurait-il dû s'arrêter de compter en arrivant à 70? Ne faut-il pas préférer 70 comme nos amis les Belges? En effet, c'est plus logique. Arrivant à cette conclusion, le rapport Villani-Torossian rendu lundi tranche « Modifier notre langue est un problème autrement difficile ». Est-ce représentatif de ces 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques? Réponse avec mon invité, Charles Torossian, copilote de ce rapport, à 8h35. Eh bien, tout à l'heure, Morgan. Et enfin, en troisième partie de la matinale, nous aurons la chronique littéraire où vous découvrez le roman de Laurent Binet, « La septième fonction du langage ». Nicolas embrasera vos cœurs avec sa chronique « Le fond de l'air est vert ». Quant à Iseult, elle aura trouvé son âme sœur pour nous parler de l'heptaméron de Marguerite de Navarre. Et pour terminer, Evry nous rendra tous in love avec sa carte blanche. Mais avant tout cela, c'est l'heure de retrouver celle qui pique des news dans les journaux, qui se tient à carreau en attendant que je lui passe le micro. Non, ce n'est ni la dame de pique, ni la dame de carreau, mais la dame de cœur que je demande ce matin. À toi, Juliette, pour la Gazette de la semaine. Jingle. Eh bien, que d'émotion avec cette présentation. Alors, je suis désolée, mais du coup, aujourd'hui, dans la matinale du Love, on parlera dans la Gazette de tout sauf de Love. Enfin, c'est à vous d'en juger, puisqu'on parlera de la Corse, de Carnaval, d'Emmanuel Macron et d'autres petites nouvelles que, quand même, je vous ai sélectionnées avec amour. Et on commence tout de suite la semaine en parlant du sujet Corse, puisque mercredi dernier, Emmanuel Macron était en visite à Bastia. Oui, une visite qui fait suite aux manifestations autonomistes et même parfois aux actions indépendantistes qui s'étaient tenues le week-end dernier dans plusieurs villes de l'île. Le président français était en effet en visite en Corse, mardi et mercredi dernier, visite initialement motivée par la célébration de la mort du préfet Erignac, qui avait été assassiné, il y a 20 ans par des nationalistes. La visite du président était cependant placée sous le signe des tensions politiques, puisqu'on rappelle que le Parlement corse, la majorité nationaliste, depuis maintenant le mois de décembre dernier. Mercredi, après avoir rendu hommage au préfet, le président a ainsi prononcé un discours attendu en réponse aux demandes des indépendantistes. Il a ainsi tout d'abord annoncé qu'il s'opposerait à la création d'un statut de résident de l'île, ainsi qu'à la co-officialité de la langue, à savoir deux des principales revendications de la liste majoritaire PS Corsica. Il a cependant également mentionné dans son discours que le gouvernement considérerait d'une part la possibilité de la mention de la Corse dans la Constitution et d'autre part la possibilité pour la région de lever des taxes locales en échange bien sûr donc d'une baisse de certaines dotations. On passe ensuite mercredi de l'autre côté de l'Atlantique où l'on parle des élections législatives qui se dérouleront en Colombie en mars prochain. Et là aussi, des élections qui sont placées sous haute tension. En effet, mercredi dernier, le candidat du parti des FARC, Timoshenko, a été victime d'une agression lors d'un discours public qu'il a prononcé. Cette violence s'inscrit dans un regain de tension autour de la présence de l'ancienne guérilla marxiste dans la vie politique. En effet, donc, c'est le parti révolutionnaire qui était en lutte depuis plus de 52 ans contre le gouvernement, a signé en 2016 un accord de paix donc, avec le gouvernement. Plusieurs affrontements ont lieu lors des dernières semaines entre des anciens membres de la guérilla et l'armée. Donc, d'un côté, des citoyens et des détracteurs de l'accord de paix accusent le parti politique de jouer avec le feu et de nier donc, les crimes qu'il aurait commis lors des dernières années. Mais de l'autre côté, l'ancienne guérilla, elle, accuse le gouvernement de l'empêcher de participer aux élections et exige des garanties de sécurité. Et ces oppositions ont finalement abouti, deux jours plus tard, à savoir vendredi dernier, sans vouloir vous spoiler, à la suspension de la campagne des FARC, une décision qui a été prise par le candidat Timoshenko lui-même après que plusieurs rebelles aient été assassinés. Et jeudi, on parle dans l'actualité de la politique française d'aide au développement à l'occasion de la tenue du comité interministériel sur la coopération internationale Sissi. Eh oui, c'est parti. La semaine dernière, s'est tenu en effet à Paris un comité interministériel chargé de définir les grandes lignes de la politique de développement française pour les années à venir. Cette instance, donc, qui était cette année exceptionnellement présidée par le Premier ministre, a ainsi décidé jeudi dernier que le budget français de l'aide au développement international serait presque doublé dans les prochaines années. Et donc, si on ne peut a priori que se féliciter de l'augmentation de cette aide, d'autant plus qu'en fait, cette aide prendra désormais davantage la forme de dons que de prêts envers les pays en développement, plusieurs ONG ont cependant souligné que le financement et l'allocation d'une telle aide restaient très flous. Les associations ont d'autre part rappelé que l'objectif de 0,5% du PIB qui était fixé par le gouvernement restait toujours inférieur à la cible internationale de 0,7% fixée par les Nations Unies. Vendredi, on parle bien sûr de l'ouverture des JO d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud. Alors, les Français ont-ils brillé ? Alors, merci de l'avoir prononcé avant moi, parce que je ne suis pas du tout sûre de ma prononciation. Et donc, vendredi dernier, c'est en effet tenue la très attendue cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. Événement sportif qui devrait réunir dans les prochaines semaines, tenez-vous bien, plus de 2900 sportifs représentant 92 États, nations ou délégations, afin de se disputer plus de 100 titres dans une quinzaine de sports différents. Et donc, au-delà des concerts, des feux d'artifice et des défilés, on retiendra de cette cérémonie d'ouverture la poignée de main symbolique entre la sœur de Kim Jong-un et le président sud-coréen. Kim Yo-young était ainsi, la semaine dernière, la première membre de la dynastie régnant en Corée du Nord à se rendre sur le sol de son grand rival depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Et on continue à parler de tyrans et de guerre de clans vendredi dernier en abordant le sujet du Front National. Je sais que tu aimes mes transitions, Clément. Ah, j'adore. Et donc vendredi, la cour d'appel de Versailles a en effet confirmé la décision rendue en première instance d'exclure Jean-Marie Le Pen du Front National. Cette décision fait notamment suite à une demande de Marine Le Pen, donc sa fille, qui avait jugé les propos antisémites et négationnistes tenus par son père en 2015 de contraire à la ligne du Front National. Si Jean-Marie Le Pen est donc exclu du parti qu'il avait confondé il y a 45 ans, il conserve malgré tout le droit d'y siéger à la présidence d'honneur. Et nous continuerons cependant certainement d'entendre parler de lui, puisque vous savez peut-être que Jean-Marie Le Pen a prévu de publier ses mémoires en mars prochain. Eh bien, on se pressera en librairie. Quel départ, Clément. Et avant de passer aux actualités du week-end, on reparle samedi du sujet de notre début de semaine, à savoir le sujet corse. Oui, le parti indépendantiste Corsica Libera, présidé donc par le président du Parlement corse lui-même, Jean-Guy Talamoni, s'en est en effet pris, samedi à Macron, et plus généralement à la politique menée par le gouvernement quant au sort de la Corse. Donc si Jean-Guy Talamoni s'est abstenu de prendre la parole lui-même, plusieurs membres du parti ont dénoncé, je cite, « le discours haineux, provocateur et méprisant tenu par Emmanuel Macron la semaine précédente ». Accusant le gouvernement de néocolonialisme, le parti a ainsi appelé l'ensemble du peuple corse à rester, je cite, « mobilisé ». Affaire à suivre donc. Et on en arrive donc aux actualités du week-end où l'on parle de fêtes et de carnaval. Et oui, et donc à défaut de parler d'amour, l'actualité du week-end, c'est bien sûr la poursuite des traditionnels carnavals à travers le monde entier en ce mois de février. Et donc alors que la fête bat son plein à Venise et à Dunkerque depuis plus d'une semaine, ce week-end marquait le début du traditionnel carnaval de Rio, du carnaval d'Oruro en Bolivie, mais aussi de ce que l'on appelle les Trois Joyeuses, à savoir le clou de la fête à Dunkerque. Cependant, et ce n'est pas la première fois, plusieurs événements et scandales sont venus gâcher la fête le week-end dernier. Samedi, à Oruro, en Bolivie, s'est en effet produit une tragique explosion de bonbonnes de gaz lors de la cérémonie d'ouverture du plus grand événement folklorique et religieux du pays. 21 personnes sur les plus de 400 000 habitants qui étaient venus assister aux manifestations ont ainsi trouvé la mort dans cette explosion. Moins tragique, mais beaucoup plus polémique, c'est également le carnaval de Dunkerque qui avait parlé de lui ce week-end. Plusieurs associations se sont en effet pris samedi à la dite Nuit des Noirs qui était organisée au cours des festivités de Dunkerque, une célébration au cours de laquelle les carnavaleux sont invités à se grimer en noir. Cette pratique a été jugée non seulement raciste, mais aussi coloniale aux yeux du président du conseil représentatif des associations noires de France samedi. Le maire de Dunkerque s'est défendu dimanche face à ces attaques en revendiquant un droit à la caricature et en priant les associations de ne pas voir une insulte dans la tradition du carnaval où le travestissement, dit-on, fait partie de la fête et donc le déguisement qui est de mise. Et on parle enfin d'une dernière polémique autour du carnaval de Rio. Que s'est-il passé au milieu des plumes et des démonstrations de samba ? Alors on se rend tout de suite au Brésil, où en fait le maire conservateur et évangélique de Rio, donc Cirvella, je ne sais pas si vous le connaissez, avait décidé l'année dernière de supprimer toutes les subventions accordées aux écoles de samba et au carnaval, au nom donc des économies budgétaires, mais aussi pour lutter contre ce qu'il avait appelé l'aliénation du peuple par la danse. Dimanche, la fête a donc pris une tournure vraiment politique à Rio, puisque les attaques envers le maire, qui est accusé donc non seulement d'homophobie, de puritanisme, et plus généralement de mépris envers ses citoyens, se sont multipliées. On en arrive à lundi, où l'on parle à nouveau de l'aide publique au développement, mais pour une toute autre raison, dis-la nous, Juliette. Et oui, et cette fois, donc, l'aide publique au développement, mais en Grande-Bretagne. En effet, lundi, Penny Lawrence, donc la directrice adjointe d'Oxfam, le géant de l'humanitaire, dirons-nous, britannique, a annoncé sa démission. Cette décision fait suite aux révélations publiques vendredi dernier par le Times d'un scandale sexuel impliquant des employés de l'ONG à Haïti en 2011. Le Times donc a notamment mentionné le recours à des prostituées mineures par certains membres de l'ONG, mais a surtout affirmé que ces révélations ne constitueraient peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Ce scandale, qui pose légitimement la question donc des violences sexuelles commises envers les enfants, notamment par certaines associations humanitaires, a rapidement cependant été récupéré par la droite conservatrice britannique. Le lendemain, le député leader de l'aile droite du pays conservateur a ainsi apporté à la Première ministre une pétition de 100 000 signatures qui avait été rassemblée par le quotidien europhobe Daily Express pour demander, je cite, de stopper la folie de l'aide à l'étranger. Lundi, on fait également le point sur l'avancée de la compétition aux Jeux Olympiques. Alors je repose ma question, les Français ont-ils brillé ? Oui, passage obligé. Et effectivement, lundi, on a brillé. Ah. Lundi, la France a en effet remporté une nouvelle médaille aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Et parce que Martin Fourcade, qui avait donc quand même fait une contre-performance le week-end dernier en finissant 8e lors de l'épreuve de sprint, a en effet pris une belle revanche en finissant 1er lors de l'épreuve j'ai marqué de sprint, mais alors je ne sais plus ce que c'est. De poursuite. L'épreuve de poursuite. Il a fini premier lors de l'épreuve de poursuite. Et donc, cette médaille d'or vient s'ajouter à celle obtenue 2 jours plus tôt par Perrine Lafont en ski de bosse. Eh bien, vive la France. Et on finit mardi, la veille de la Saint-Valentin, la veille de la matinale du love, en parlant non pas d'amour, mais de divorce. Et toujours une transition aux petits oignons. Le divorce entre Benjamin Netanyahou et ses électeurs était en effet latent depuis quelques années, mais le coup final semblant avoir été donné hier soir. Hier soir, la police israélienne a en effet transmis au parquet général ses recommandations au sujet de 2 enquêtes dans lesquelles le président israélien est visé pour corruption, fraude et abus de confiance, rien que ça. Au terme de son enquête, la police a ainsi explicitement recommandé l'inculpation du chef du gouvernement pour ce que l'on appelle les dossiers 1000 et 2000. Le Premier ministre a immédiatement réagi en proclamant son innocence et en attaquant le chef de la police. Le sort du dirigeant devrait donc être tranché dans les prochaines semaines par le procureur général. Dans ton cas, ton sort à toi, Juliette, est tranché. On te garde. Merci à toi, Juliette, pour cette magnifique gazette. Et merci aussi pour ces transitions très bien trouvées. Enfin, on remarquera que toujours un plaisir. Oui, tu te jettes des fleurs à toi-même. C'est vraiment... c'est vraiment génial. Bon, cette semaine, Raphaël et à la croisade des sciences ne sont pas là, car Raphaël est malheureusement souffrant. S'est-il pris une des flèches lancées par le gamin ailé qu'on appelle Cupidon, ou bien a-t-il été victime d'un coup de foudre ? Nous n'avons pas plus d'informations. On lui souhaite en tout cas un bon repos et de revenir bien vite. Gros bisous à toi, Raphaël. Mais en attendant, elle est bien là. Elle est de retour. C'est Chloé qui a laissé son hologramme au vestiaire et vient nous faire partager l'amour de l'art cette semaine. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Alors la Saint-Valentin, voici un joli thème pour aborder les plus beaux couples de l'histoire de l'art. Vous rappelez-vous des duos dans l'art comme Nikita Saint-Phal et Tinguely, en prenant un café près de la fontaine Stravinsky à Beaubourg, on y aperçoit leur créativité pleine d'amour entre les jets d'eau. Mais aussi le couple Christo et Jean-Claude qui se sont amusés à jouer avec les paysages comme deux enfants malicieux, ou le couple Art Kitchen Pop, Pierre et Gilles, exposés en ce moment à la Galerie Templon, dont j'avais parlé il y a 2 chroniques précédentes. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un couple particulier. Celui qui égaye vos balades. Le duo amoureux du jour, voici, chers auditeurs, les artistes et Line Pitre. On est là pour quoi ? On est là pour qui ? Dans les magasins, à se prendre la tête. Quand on se prend la tête. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Des bisous. Vous rappelez-vous des dessins faits par Quentin Blake sur nos bouquins colorés, au milieu du cartable coincé entre nos crayons, un pitch et une pompote? Mais si, ces illustrations de personnages incongrus animant les couvertures des livres de Roald Dahl. Ces grandes oreilles du bon gros méchant, de Mathilda ou de Charlie et la chocolaterie. Ces esquisses pleines de vie caractérisées par des traits à l'encre rehaussés par des touches de l'aquarelle. Nous avons toujours aimé, avant de se coucher, haut comme trois pommes, en mitouflé dans un gros pyjama tout doux, dire « Eh, je peux voir les images ?»« Non, après, mon chéri, avant, je te lis l'histoire. »« Non, non, s'il te plaît, allez, je peux voir les dessins, je peux voir les images !» Bon, et bien voilà, quelques années plus tard, deux amoureux sortis de cet univers roaldalien nous font découvrir les images de ces contes de jeunesse. Histoire pour les petits, pour les grands, récit pour tous les âges, voici l'univers du couple Della et Pitre. S'ils avaient déjà fait une exposition l'an dernier, vers la fin du printemps, c'est sous la neige qu'ils retrouvent la ville lumière. Ils sont exposés en ce moment dans la galerie Lefebvre. Ce duo joue à dessiner sur les murs de la ville, les toits, les immeubles, dans les champs, sur les stades de foot. Nous retrouvons leurs personnages pleins d'amour sur les toiles de la galerie. Ils ont un graphisme personnel, leurs pattes identifiables en un clin d'œil nous racontent des histoires. Des histoires pleines de vie, pleines d'amour et de surprises. Leurs épopées explosent d'humour et d'énergie. Mémé à gogo, enfin malicieux. Ce sont des dessins pleins de farces. Ce couple cocasse, jeune et amoureux, n'ont pas fini de nous faire rire lors de nos balades urbaines. À Paris comme en province, leur art nomade se promène. Papier, colle, peinture, ils maquillent l'hexagone. Et oui, l'art urbain est un mouvement incroyable puisqu'il est un placard géant où les artistes s'amusent à tirer plusieurs tiroirs. Qui sont les médiums d'expérimentation? Comme par exemple la photo, la vidéo. Toujours avec humour, on les retrouve avec plaisir dans le monde 2.0. Leurs vidéos sont visionnables sur la chaîne Vimeo et La Haine Pitre. Et cliquez du bout du pouce sur leur compte Instagram. Vous y découvrirez un monde délicieux baigné de fantaisie. Leurs personnages saugrenus mettent un coup de pied à ce street art un peu pompé gagné par la gloire où l'imaginaire s'est noyé au profit de la fame. Eux, par leur simplicité, apportent une légèreté à l'art urbain. Ils travaillent ensemble au milieu des plaines de la Loire à Saint-Étienne. Et ce tandem de trentenaires crée l'association du mur, mais à Saint-Étienne. Vous savez, le mur, c'est le mur d'Oberkampf où chaque mois, un artiste vient envahir ce mur à Paris. Et en fait, ce mur, depuis à peu près maintenant 10 ans, il y a des artistes qui... et c'est que des artistes d'art urbain qui viennent expérimenter à chaque fois. Et eux, ils ont décidé de décentraliser le projet parisien et de le mettre à Saint-Étienne. Donc l'idée aussi, ce serait bien que chaque ville en province ait un peu son mur. Comme ça, ça pousserait la créativité des artistes locaux. Mais pas que Paris. Et Ella et Pitre ont aussi peint des personnages géants qu'ils appellent colosses dans différents pays du monde. Leur taille varie selon le support, allant de 500 mètres à 21 000 mètres carrés. Et oui, ils ont fait le record de la plus grande fresque. Mais l'œuvre coup de cœur, c'est Lucette ou l'incompréhension de soi. Alors en fait, c'est une grand-mère qui est recroquevillée dans un coin d'un immeuble. Elle est immense et elle est faite en 2016 à Montréal. Plus de 40 géants ont été peints en 2013 en France et à l'international. Ils considèrent l'espace urbain comme un réel terrain de jeu. Ils défendent l'idée que l'espace public appartient à tous. Mais ils travaillent aussi dans la galerie pour gagner un peu d'argent. Et je vous laisse mettre un pied et passer le bout de votre nez glacé avant de fêter la Saint-Valentin dans la galerie Lefebvre. L'expo s'appelle « Comme des fourmis » et elle fera fourmiller vos cœurs. Bisous bisous sur vos oreilles et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Chloé. Et aurais-tu un petit bonus pour ceux qui sont en manque d'idées pour fêter la Saint-Valentin? Alors au musée Rodin, vous pouvez y aller, c'est ce soir. Et surprise surprise, vous pourrez vous retrouver en face du baiser de Rodin avec des explications et toute une soirée dédiée à la Saint-Valentin. Et si vous savez pas quoi faire avant la Saint-Valentin, il y a la Saint-Glinglin ce soir et il y a l'artiste Anne Rotti qui est un artiste assez incroyable puisqu'il vient d'une corporation de sculpteurs et c'est un graffeur et il aimerait remettre le graffiti vandal mais en sculpture, c'est-à-dire poser un bloc de marbre qui en plus il a une très belle patte et le mettre dans des lieux qui ont des problèmes un peu politiques ou des lieux un peu en crise pour vraiment voir un peu exactement provoquer la même sensation que le graffiti, c'est-à-dire être un peu en état de choc et provoquer des sensations. Et donc il l'a fait par exemple à Kiev pendant la révolution, il a mis un bloc de marbre et donc il a vu à quel point ça a marché et donc là il aimerait bien le faire à Paris en ce moment par rapport à la crise des migrants. Donc il nous parlera de ça ce soir. Eh bien, merci Chloé, c'est toi qui nous provoques des sensations avec tes chroniques. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Enfin, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à tous. Ils sont deux. Vous les entendez souvent se disputer à notre micro, mais sans jamais parvenir pour l'instant en tout cas, au point de rupture, on accueille tout de suite notre duo cinéphile Camille et Hugo pour nous parler du dernier Clint Eastwood, 15h17 pour Paris. Ouais, jingle. Si j'ai manqué au cinéma français, à moi le cinéma français a manqué. Follement, perdument, douloureusement. Alors bonjour, bonjour, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui dans cette matinale du Love, on va dire que pour nous, c'est pas vraiment le coup de foudre ou le coup de cœur avec ce nouveau film de Clint Eastwood, donc le 15-17 pour Paris, qui fait référence à l'attentat déjoué qui s'est déroulé en août 2015 dans le Thalys Amsterdam-Paris, où il y avait ces trois Américains, qui finalement, donc Spencer, Alec et Anthony, qui se sont jetés sur le terroriste pour le désarmer et pour donc déjouer cet attentat qui, à mon avis, aurait été bien catastrophique. Donc c'est l'histoire de ces trois hommes devenus des hometown heroes. Donc c'est eux-mêmes qui jouent leur propre rôle. Donc ils reviennent sur les événements, ils rejouent toute cette tentative d'attentat de la part du terroriste. Et finalement, la question, c'est comment faire un film sur un événement qui dure à peine plus de 5 minutes. Alors, donc Clint Eastwood va nous raconter finalement l'histoire de ces trois personnages depuis leur enfance. Donc surtout Spencer qui va être finalement la figure principale du film. Puisque c'est celui qui se jette en premier sur le terrorisme. Voilà. Donc leur adolescence aussi et leur voyage en Europe qui va précéder donc leur trajet jusqu'à Paris depuis Amsterdam. Alors ce qui peut être intéressant dans ce film, c'est la question du héros, c'est-à-dire comment des gens ordinaires font des choses extraordinaires à un moment donné de leur vie ici. Et il s'agit pour le spectateur finalement de vivre la vie de ces personnages et de voir en quoi les divers moments de leur vie les ont amenés à ce moment-là et à accomplir cet acte héroïque. Le problème, c'est que tout est traité de manière à ce que c'était une question de destin, c'est-à-dire que ces personnages étaient finalement déterminés, enfin ces personnages, ces hommes, parce que c'était pas seulement des personnages, étaient finalement déterminés à faire ça. Parce que parmi ces trois personnages, y en a deux qui sont des soldats, dont un a combattu en Afghanistan. Ils aiment l'Amérique, ils ont l'aide de Dieu. Enfin bref, toutes ces valeurs de l'Amérique qui contribuent à faire d'eux vraiment des héros et non pas seulement les médias qui peuvent contribuer à ça. Donc pour moi, c'est un film qui peut-être frôle un peu trop le film de propagande. Et on a aussi cette esthétique hollywoodienne qui éloigne totalement de la réalité, alors que pourtant, ce sont des faits réels. Pour dire à quel point Clint Eastwood est allé encore plus dans la réalité, enfin dans sa volonté de réalité, il a même pris la même équipe SNCF qui était dans le train, la même équipe médicale et la même équipe des policiers qui sont intervenus. Donc finalement, voilà, oui. Il présente aussi ces personnages comme des archétypes, des produits d'une Amérique fière d'être du côté du bien, hein, the good people, comme dit une dame dans le train d'ailleurs. Bref, pour moi, c'est une catastrophe et c'est presque révoltant même, je trouve. On a eu l'occasion d'en parler un peu plus en détail hier avec Camille et d'autres. Donc effectivement, comment Clint Eastwood, réalisateur émérite et réalisateur ultra compétent, peut-être qu'il est gâteux maintenant, à 88 ans, peut-être. A raté son film, parce que franchement, on va le dire, il est absolument raté. Ce qui nous semble d'ailleurs d'abord peut-être le plus problématique, c'est l'urgence avec laquelle le film a été réalisé. Hein. Camille nous a rappelé donc, que l'événement a eu lieu en août 2015, nous sommes en 2018, mais le tournage a commencé en avril 2017, ouais. Il me semble. Donc, on n'est même pas 2 ans après. Et l'enquête est toujours en cours. Le procès n'a pas eu lieu. Ouais. On a repris quoi ? On a repris donc, les personnes qui ont fait l'événement pour rejouer, pour faire ce film. Donc, autant dire qu'on n'a aucune distance critique par rapport aux événements. Et en tout cas, ça se voit. Eastwood va se dédouaner dans plusieurs moments de son film d'être un partisan ultra de l'américanisme en affichant notamment deux affiches de films, Full Metal Jacket et Lettre à Iwo Jima, son propre film de 2007, sachant que ces affiches sont montrées en 2005, Lettre à Iwo Jima est sorti en 2007, donc ça prouve bien que Eastwood voulait montrer ces deux affiches. Petite autopromotion par la même occasion. Autopromotion, mais bon, ça c'est habituel chez les réalisateurs quand même. Qui en fait nous rappelle que, et ça vient en fait très simplement dire que je ne suis pas pro-Amérique ou du moins je ne veux pas faire l'apologie totale de l'armée américaine, etc. Donc, dans le film qu'on voit les affiches. Oui, c'est dans le film qu'on voit ces affiches. Il y a aussi Spencer Jones et Anthony qui se font un moment rembarrer par un guide touristique allemand qui dit les Américains n'ont pas tout fait dans l'histoire. Enfin, on a ces quelques petits événements qui apparaissent très gratuits en fait et qui nous montrent qui nous montrent que Eastwood a juste voulu repousser ce problème. Donc c'est bien la question du héros qui du coup refait surface. Le problème c'est que n'y a pas grand-chose, en fait, dans ce film. C'est le voyage en Europe de Spencer Jones et Anthony, parce que c'est un voyage ridicule et... Grotesque, mais c'est fait exprès, parce que c'est le voyage que pourraient faire, en fait, que feraient des Américains lorsqu'ils arrivent en Europe. Donc, c'est-à-dire un voyage qui consiste, voilà, et qui consiste aussi à se prendre en selfie avec une perche à selfie tout le temps, enfin devant tous les monuments d'Europe. Mais ça, c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste pour montrer que... Non, c'est pas que... mauvais, mais c'est un peu trop récurrent au bout d'un moment. On se fait chier, on va le dire. C'est-à-dire aussi, que les plans, c'est ça, enchaînement de plans où allez, on prend un selfie, allez. Comment ? Ouais, enfin. Non, c'est pas une critique. Non. C'est une critique, justement, les perches à selfie. C'est justement pour. C'est juste pour montrer que ce sont des hommes ordinaires. Ça, c'est. Oui, voilà, en fait. C'est juste pour montrer ça. C'est-à-dire que c'est assez récurrent. Enfin, pendant un moment, on a vraiment toute une partie où c'est que ça. Enfin, c'est un enchaînement de plans sur allez, on prend un selfie, allez, viens, on se met là, on prend un selfie, allez. Enfin. Bon, je veux dire. C'est un peu long, mais je pense que c'est quand même. Enfin, c'est un détail du film. On peut-être pas trop s'épancher là-dessus. Mais donc oui, il y a évidemment des gros problèmes éthiques à réaliser ce film en 2017, avant même l'instruction de l'affaire. D'autres problèmes aussi, rapidement, pour en finir, c'est l'évidence prédestination de Spencer Jones à faire chacun de ses... Enfin, tous ses actes depuis son enfance ont en fait été prédestinés pour sauver un homme et empêcher l'attentat du Thalys. Donc en fait, tous les événements de son histoire sont lus en fonction de cet événement, ce qui rend la chose un peu étrange. Et donc il rappelle donc cette absence un peu totale de distance et bon, je pense que le film raté, on aurait pu penser un peu d'ironie, mais le problème c'est que vu que Spencer Jones incarne les valeurs de l'Amérique pro-Trump, on peut se demander si, vu que Eastwood étant lui-même un républicain, il n'a pas voulu justement faire un film sur ce que sont ces valeurs de l'Amérique, les vraies valeurs de l'Amérique, donc les armes à feu. Ah oui, non, mais c'est très très politique. Non, on voit le petit Spencer Jones sortir tout son attirail d'armes. Bon, elles sont factices, certes, mais ensuite il sort quand même un fusil et puis il commence à le manier, etc. Ensuite, ils jouent ensemble tous les trois quand ils sont enfants. Ils sont tout en camouflage et tout. Ils jouent ensemble à se tirer dessus. Et alors que Spencer dit : oui, moi je veux faire la guerre, je veux sauver des vies. Donc c'est, pour moi, c'est un raccourci un peu trop, trop rapide. Bon, enfin, je veux dire, c'est. C'est très, j'ai trouvé ça très révoltant, en fait. Enfin, voilà. Mais c'est un film, évidemment, ouais, qui, je pense, est très politique et qui vient rappeler ce que c'est que l'Amérique pour Eastwood, et peut-être cet empressement qu'a eu Eastwood de réaliser le film peut connoter cette volonté du réalisateur de faire un film absolument politique, sauf qu'il est du coup raté, parce que même si ses opinions politiques pouvaient transparaître dans ses précédents films, n'était pas totalement au cœur de ces films, et c'est ce qui... Oui, là pour le coup, c'est vraiment au cœur. Là, c'est vraiment au cœur de ces films, enfin de ce film, et ce qui fait qu'on arrive à ce film plutôt raté de la part. Il y a peut-être un acteur qui joue bien son rôle, on va dire, c'est François Hollande. Hein. Oui, bon. Une mention spéciale à la calvitie. Il apparaît, qui joue vraiment dans le film. Non, il joue pas. Disons qu'il apparaît dans le film. Il apparaît dans le film. Il est joué par un acteur français dont j'ai oublié le nom, et on voit sa calvitie lors de la cérémonie de la remise de la Légion d'honneur, la caméra se met derrière les. Mais sinon, lui-même apparaît vraiment dans le film, parce qu'il a repris, Eastwood a repris les images du discours de Hollande lorsqu'il remettait la Légion d'honneur à ses trois soldats américains. Bon, vous avez spoilé la fin du film, mais enfin, après, on le savait, on va dire que c'est pas trop un spoil. Voilà. Puisque c'est, voilà. Donc, bref, on n'y va pas. Non, pas du tout. On boycotte. On va peut-être aller jusqu'au bout. Pas de soirée cinéma ce soir, on préfère aller. Non, mais aujourd'hui, par contre, on va signaler la sortie du dernier film de Paul Thomas Anderson, The Phantom Thread, qui est quand même largement mieux, beaucoup plus intéressant. Donc, précipitez-vous, allez le voir. Il sort aujourd'hui en salle, The Phantom Thread, avec Daniel Day-Lewis et Vicky Creeps. Eh bien, merci. C'est tout noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Hugo pour cette analyse, pour vos analyses, comme d'habitude, chaque semaine. Bon, 8h30, l'heure de céder nos micros à Morgan et à son invité du jour. Pour ceux qui regrettent de n'avoir pas entendu parler de mathématiques ce matin en raison de l'absence de Raphaël, ne vous inquiétez pas, notre invité saura répondre à cette attente, car c'est Charles Tourossian qui reçoit Morgan à son micro ce matin, inspecteur général. On va plutôt faire l'inverse. Oui. Parce que la colle de mathématiques ne passera pas, Clément, je pense. À toi, Morgan. Effectivement, bonjour Charles Tourossian. Bonjour Morgan. Je vous propose de commencer par ce qu'on appelle un problème motivant. Dans « Je me souviens », mais je vais en fait me souvenir de ma préparation pour cette interview, Georges Perec écrivait presque « Je me souviens des heures que j'ai passées en classe de 3e, je crois, a essayé d'alimenter en algèbre, géométrie et probabilité trois maisons que sont le primaire, le collège et le lycée, sans que les tuyaux ne se croisent. Bon, c'est un peu un pastiche, je dois l'avouer. Nous devons ce problème, en fait, à Henri Dudenay dans Amusements in Mathematics. La résolution se trouve dans la notion de graphe non planaire. Comme vous le préconisez dans votre étude, Charles Torossian, il faut reformuler pour s'approprier. Sauf qu'en reformulant, dans le cas qui nous intéresse ici, chose peu commune, le problème se complexifie. Le problème se complexifie parce que la France est mal classée dans les enquêtes internationales, notamment la TIMSS, qui s'intéresse aux acquis mathématiques et scientifiques des jeunes élèves. Le problème se complexifie parce que les inégalités se creusent entre les bons et les mauvais élèves. Le problème se complexifie parce que les enseignants sont dévalorisés et donc démotivés. Il se complexifie parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Il se complexifie parce qu'en France, il est vite facile de s'essentialiser comme nul en maths. Voilà un peu le contexte de votre étude. Dans les canaux qui fournissent donc les maisons, se crée une bosse. Et je peux vous dire que ce n'est pas la bosse des maths, cette bosse obstrue le chemin, le passage de la connaissance. D'où la mesure 17, inscrire les mathématiques comme une priorité nationale en mobilisant tous les acteurs de la chaîne institutionnelle. Et c'est vrai qu'on a un peu le sentiment depuis quelque temps, peut-être une petite dizaine d'années, que tout devient à chaque fois priorité nationale, Charles Torossian. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être priorité nationale ? Ça veut dire qu'on a fait une étude sur le sujet ? Ben écoutez, Morgan, d'abord, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vois que les normaliens se lèvent tôt maintenant, ce qui n'était pas tout à fait le cas à mon époque. C'est dur. C'est bon signe pour la France et qui se remet au travail. Bon, priorité nationale, c'est un discours pour les recteurs, pour les chefs d'établissement, pour les directeurs académiques, c'est-à-dire pour toute la chaîne hiérarchique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se mettre en marche quelque part. Donc c'est ça que ça veut dire. Bon, elle était facile, hein, c'est vrai. C'est le cas de le dire, on va y revenir. Donc ça c'est la priorité nationale. Et l'éducation nationale est une grande machine. Alors, à mon époque, on parlait du mammouth. Je crois que le terme n'est pas correct, en fait, parce qu'il y a beaucoup de synergie, beaucoup d'intelligence et beaucoup de volonté des acteurs. Alors, c'est vrai, quand on est élève, vous êtes ici, on est encore jeune, on va dire. Avec les années, on devient un peu moins jeune. Il y a non seulement les élèves, il y a beaucoup, vous voyez aussi beaucoup de profs, mais il y a aussi derrière toute une machine qui fait marcher cette transmission du savoir, cette passion qu'on doit animer aussi aujourd'hui dans les classes au quotidien. Et on ne se rend pas toujours compte de la complexité de la machine qui est derrière et puis surtout l'encadrement qu'elle réalise. Et il y a la priorité nationale, ça veut dire, c'est un discours fort à l'égard de l'encadrement, en disant, écoutez, on a besoin de vous aussi, les professeurs ont besoin de vous pour que vous les aidiez au quotidien, pour que vous puissiez les encourager, et faites en sorte qu'ils puissent travailler bien, qu'ils puissent... Parce que notre discours, c'est de dire, si un professeur est plus heureux, si un professeur se sent mieux, il sera beaucoup plus à l'écoute des élèves aujourd'hui. Et globalement, on va faire confiance aux profs pour qu'ils s'occupent des élèves. Et nous, on va s'occuper des profs pour qu'ils se sentent mieux au quotidien d'un point de vue professionnel. C'est ça, ça veut dire ça, priorité nationale. Alors, je reviens, avant de revenir sur les professeurs, sur cette idée de se mettre en marge. Effectivement, quand on prend, par exemple, le chapitre « Mathématiques pour tous » dans votre étude, le premier argument, c'est tout le monde s'entend sur le fait que les mathématiques sont un enjeu stratégique de l'économie d'aujourd'hui, travailler, compétences professionnelles. Il y a d'ailleurs un moment où vous dites que les mathématiques vont permettre de développer les parcours des élèves. Ouvrez la parenthèse, création d'entreprise, virgule, etc. Fermez la parenthèse. Et puis ne vient qu'après l'absence ponctuelle de regard critique, la nécessité des mathématiques pour le regard du citoyen. C'est vrai que quand on parle notamment des réformes du français, il y a cette idée de faire un socle commun. Ici, il semble que ce soit l'économie le véritable sujet. Est-ce que ça veut dire que l'école est devenue la première étape de la vie professionnelle des Français ? Je vois que vous avez d'abord bien lu le rapport, mais si on lit bien le paragraphe en question, c'est pas tout à fait le sens du paragraphe. C'est-à-dire que effectivement, il y a les mathématiques, il y a une chose, il y a l'enseignement des mathématiques, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, les mathématiques aujourd'hui, disons, le monde s'est mathématisé d'une certaine manière. C'est-à-dire toute l'économie, on voit bien tout ce qui est électronique, vous avez tous des ordinateurs là devant nous, tout est digital. 15% aujourd'hui du PIB dépend des maths de manière indirecte, c'est énorme. Donc il y a un enjeu effectivement stratégique pour en faire en sorte que notre pays, 6e puissance mondiale, enfin 5 ou 6, ça dépend des jours, puisse garder son rang. Donc ça, il y a un enjeu stratégique qui fait que les mathématiques, c'est important. Alors, vous voyez bien, on fait un raisonnement, ce n'est pas parce que les mathématiques sont importantes que le reste n'est pas important. Attention, qu'il n'y ait pas de mauvaise. A implique B, B implique A, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est bien d'accord, hein, on est entre logiciens ici. Donc ça c'est sinon pour le contexte. Ce qu'on dit après et ce que vous dites, la création d'entreprise, c'est une parenthèse, mais vous n'avez pas dit en fait le début de la phrase qui était que justement le fait de ne pas maîtriser les fondamentaux en mathématiques pouvait être en fait un handicap aujourd'hui pour quelqu'un qui... Des activités quotidiennes. Vous voyez, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut créer une micro-entreprise, un travailleur libéral, vous voulez être maçon, vous voulez avoir des clients aujourd'hui. Quand vous êtes en direct avec le client, vous devez avoir tout de suite dans votre tête pouvoir sortir des chiffres, de dire, bon, bah, écoutez, la personne vous dit combien ça va me coûter. Et donc, si vous tapez pas juste, hein, soit vous allez perdre de l'argent, soit vous allez perdre le client. Donc, du coup, il faut vraiment avoir un ordre de grandeur, c'est très important. Aujourd'hui, il y a 50% des élèves qui rentrent en 6e qui ne savent pas multiplier par 100 le nombre 35,1. 50% des élèves ne savent pas faire ça. Ce n'est pas tolérable. Il y a 75% des élèves qui ont 12 ans qui ne savent pas qu'un quart, c'est 0,25. Les Français. Et aujourd'hui, on a 10% des travailleurs qui sont en Pôle emploi qui ne retrouvent pas un travail parce qu'ils ne savent pas multiplier par 10. Et vous voyez, donc ça devient un problème. Et ça, c'est notre école, c'est notre société qui a cette responsabilité. Donc tout ce rapport, c'est aussi pour dire nous avons une responsabilité collective et on ne peut pas juste dire oui, ils n'ont pas été bons en maths, etc. Non, non. Je veux dire, il y a un socle commun, multiplié par 10, c'est quelque chose qui n'est pas si difficile que ça, et je crois que tous les Français, 100% des Français, peuvent y arriver. Alors, sur donc, l'enseignement des mathématiques, c'est ça qu'il faut reprendre. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de flou, un peu, ou en tout cas pour moi, enfin pour la lecture que j'ai eue de ce rapport, plus de solidité des acquis, mais moins de notions. Or, les notions qui vont être retirées vont être remplacées par d'autres notions en lien avec l'informatique. Je pourrais citer, je vois français l'essentiel, mais je pourrais citer. Vous dites effectivement un programme d'autant plus efficace qu'il comprend un niveau donné, un nombre raisonnable de nouvelles notions. Et il y a notamment cette idée de fusionner l'apprentissage des quatre types d'opérations, addition, soustraction, multiplication, division, dès le CP. Comment on explique la volonté à la fois d'alléger les programmes, parce que c'est un peu ça qu'il y a quand même derrière, et en même temps ce renforcement et cette augmentation du nombre de... cette avancée dans le temps d'apprentissage de masse. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, l'addition, la soustraction, c'est le CP. Après, on apprend la multiplication en début de CE1. Le deuxième semestre de CE1, c'est la division. Ça se poursuit un peu au premier semestre de CE2. Là, non, on fait tout en CP. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre en fait, ce flou-là qui existe voilà. Alors, deux choses. D'abord, effectivement, division, multiplication en CE1, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il y a on voit bien que les Français ne sont pas à l'aise avec les fractions. Deux tiers, un quart, deux... quelque chose, je dis souvent, en français, le 2, ça veut dire toujours multiplier en mathématiques. Donc, et ça, manifestement, c'est pas su, il va falloir l'apprendre. Quand on dit les quatre opérations CP, on ne veut pas dire qu'on va poser 3,14 multiplié par racine de 2 égale, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va apprendre le sens de la multiplication et de la division dès le début, quand on apprend les nombres. Par exemple, si vous apprenez 6, ben vous apprenez que 6, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'on compte pas, mais on apprend que 6, c'est 4 plus 2. Donc vous pouvez jouer avec un petit cheval, vous voyez, comme ça. Mais vous apprenez aussi que 6, c'est 2 paquets de 3. Donc vous dites 2 fois 3, 6. Et vous dites que 6, je peux partager en 2. Donc 6 partagé en 2, ça fait 3. Et 6 partagé en 3, ça fait 2. Donc vous apprenez le nombre et l'opération sur le nombre en même temps. C'est-à-dire que vous apprenez l'être et l'action en même temps. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui mélange à la fois, disons, une philosophie, j'allais dire, typiquement cartésienne, qui est de regarder les objets, avec une philosophie plutôt anglo-saxonne qui consiste à regarder l'action qu'on peut opérer sur ces objets. Donc ça, c'est, si vous voulez, on a la philosophie de l'action et la philosophie de l'être. C'est vrai que d'un point de vue, les Français adorent l'être, ils se regardent, mais agir, c'est aussi intéressant. Donc là, on agit, donc, vous voyez, on agit sur les objets. C'est quelque chose et on fait ça ensemble. Donc ça, c'est une sorte de philosophie très profonde qui incruste finalement la manière de voir les nombres. Et donc, on joue avec les nombres. Le nombre doit être non pas un état, 1, 2, 3, 4, 5, c'est juste un dessin, mais quelque chose sur lequel on peut agir. Et cette notion d'action, elle pousse en fait l'enfant à être maître de son destin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à votre question nos préconisations sur les programmes, c'est de dire en sorte que, vous voyez, la culture est vaste. Si vous voulez tout apprendre en une seule fois, à un seul âge donné, ben, vous voyez, malheureusement, à ma connaissance, le cerveau des enfants n'a pas augmenté. On est d'accord. Donc comment est-ce qu'on multiplie en fait le nombre de notions à un jeune âge, tout en allégeant quand même et en rendant possible? Il y a un moment donné, il y a cette idée que le programme est une borne inférieure et non une borne supérieure. Or, l'idée aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'on entend quand on écoute les enseignants, c'est de dire cette borne inférieure est déjà trop haute pour qu'on puisse aller au-delà de cette borne inférieure, non? Pas clair, parce que je veux dire que c'est ça peut être un point de vue, mais la vérité, c'est que toute notion peut être étudiée en profondeur ou pas. C'est-à-dire qu'on peut aller en profondeur sur l'étude des objets, ou on peut rester d'une manière superficielle. Si vous prenez les programmes du collège aujourd'hui, ils sont rédigés, ils faisaient 60 pages, ils font plus que 4 pages. Donc, c'est vous dire, on ne peut pas dire que le programme a augmenté, puisque sur le papier, en tous les cas, il a diminué. Et en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de liberté et de confiance donnée au professeur pour juger de la profondeur d'acquisition. Donc, il y a une sorte de flou, en vérité, aujourd'hui, dans les programmes. C'est peut-être ce que certaines personnes regrettent. Je ne prendrai pas de position très nette ce matin là-dessus. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un programme ? Et donc, aujourd'hui, la philosophie, c'est de dire, il y a des notions. Par exemple, on va dire, il faut étudier la multiplication. Mais quand vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas dit s'il fallait poser 6 fois 7, machin, etc. Et donc, du coup, c'est au professeur de juger l'opportunité d'aller en profondeur. J'allais dire, le professeur, plutôt l'équipe. D'ailleurs, l'entité, ce n'est plus le professeur, c'est l'équipe. C'est le conseil d'enseignement, l'équipe ? C'est plus grand que ça. Ça peut être, c'est l'équipe. C'est dans l'équipe, il y a aussi, dans une circonscription, il y a aussi l'IEN. Au niveau du lycée, il y a aussi le rôle du chef d'établissement dans le pilotage finalement de l'équipe. Et l'équipe peut aller au-delà de l'établissement. Vous voyez. Donc, si vous voulez, notre philosophie, c'est de dire aussi que le bon endroit, c'est quelque part, c'est plus vraiment la classe, c'est la structure de l'établissement. C'est-à-dire que la classe, d'une certaine manière, au sens de Peggy, vous voyez, c'est quelque chose qui est finalement trop fragile et il faut plus de stabilité. C'est plus rassurant aussi pour les professeurs, c'est plus rassurant pour les familles, c'est plus rassurant pour les élèves. Donc finalement, cette question de profondeur dans les programmes, dans les notions, eh bien, elle doit être jugée, j'allais dire, et adaptée en fonction des situations. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que, attention, notamment pour l'éducation prioritaire, dans les endroits où, j'allais dire, les familles ne sont pas forcément dotées d'outils pour pousser les enfants, il faut avoir de l'ambition pour nos enfants. Il faut que les enseignants ne considèrent pas les enfants comme étant des êtres qui sont qu'il leur faut du temps pour apprendre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On apprend. Il y a des notions difficiles qu'il faut traiter de manière pédagogique beaucoup plus tôt. Si vous attendez, j'allais dire, d'être en seconde pour apprendre le subjonctif, c'est pas possible. Si vous attendez d'être en seconde pour apprendre les tables de multiplication, écoutez, moi j'ai des enfants qui sont lycéens, personne n'a envie d'apprendre les multiplications en classe de seconde. Je veux dire, on a d'autres choses à faire que de... Par contre, jusqu'à l'âge de 12 ans, il y a des envies d'apprentissage. On aime bien les automatismes, c'est rassurant. On aime bien aussi, disons, se construire son socle. Voilà. Je veux dire, donc il y a des choses, il y a un temps. C'est ce que nous apprennent aussi les neurosciences, c'est-à-dire que dans les apprentissages, il y a des choses qui sont plus faciles quand on est plus jeune. Si vous voulez, si vous n'avez pas maîtrisé la multiplication par 100 quand vous rentrez en 6e, eh ben vous n'allez pas l'avoir, ça ne sera jamais acquis quand vous serez en 3e et quand vous serez dans la, disons, sur le marché du travail, vous aurez toujours quelque chose, un petit truc dans votre tête qui vous dira « je ne suis pas sûr de moi ». Donc il y a quand même des choses qu'il faut faire à un certain moment. Il faut avoir de l'ambition pour nos enfants et puis surtout, il ne faut pas les sous-estimer. Alors cette ambition, il faut sortir de la classe. Je reviens un peu sur cette idée du conseil d'enseignement. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a le regret ou la remarque de l'insuffisance du rôle du conseil d'enseignement et cette répétition de la nécessité de la liberté des enseignants, ce qui explique en fait la volonté de poursuivre leur formation continue et non plus simplement initiale. Et pourtant, on retrouve quand même une forte présence du rôle du chef d'établissement qui en fait contrôle beaucoup. Alors si les programmes donne des directions claires. Si le chef d'établissement va décider, notamment, je pense au temps périscolaire, là, c'est la première idée qui me vient, mais il y en a d'autres dans le rapport. Quelle liberté est laissée à un enseignant qui se retrouve face à une classe, en plus de ça, qui doit faire attention à l'individualité de chacun de ses élèves dans une classe surpeuplée, on le sait, même si effectivement l'individualisation est davantage pour les REP+, en tout cas dans un premier temps, des classes de 12 élèves. Pardon, je vous écoute, la question était un peu longue. Non, mais j'ai bien compris la question. Là, vous êtes en train de dire enseigner, c'est complexe. Ah, oui. Non, c'est pas. Non, ce que je suis en train de vous dire, être enseignant, ça devient complexe. C'est-à-dire qu'il y a, c'est multi-échelle. C'est-à-dire que vous avez la dimension de la classe avec la liberté pédagogique. Liberté pédagogique, ça ne veut pas dire liberté didactique. Ça veut dire que c'est la façon de s'organiser, c'est la façon d'introduire les notions. Vous ne pouvez pas réinventer la dérivée. Vous voyez, par exemple, d'une certaine manière. Donc, il y a une chose. Et ensuite, la liberté pédagogique, malgré tout, elle est encadrée. C'est-à-dire même dans les textes. C'est-à-dire la liberté pédagogique, elle est, elle a des bornes qui sont au niveau, d'abord, bien sûr, respecter les programmes. Mais si les programmes sont flous, vous voyez, tout devient flou, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a le rapport aux autres. C'est-à-dire le rapport à l'autre, c'est le rapport aux autres professeurs et aussi à l'établissement. Si vous regardez le texte sur la liberté pédagogique, on voit bien que l'établissement, en fait, la politique d'établissement entre, pas en conflit, mais en tous les cas, en friction avec la liberté pédagogique. On dit souvent, j'ai entendu un recteur un jour dire, enseignant, c'est des fonctions de cadre, mais ce n'est pas profession libérale. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, c'était peut-être un peu brutal dit comme ça, mais ça voulait dire quelque chose. Donc là, effectivement, la dimension de l'enseignement, ce n'est pas de dire dans ma classe, je fais ce que je veux. C'est pas, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un tissu. Et ça, c'est rassurant pour le professeur, parce que la réalité, ce n'est pas qu'il n'y ait pas assez de liberté pédagogique. La réalité dans les classes, quand vous allez à Créteil, quand vous allez dans des collèges où il n'y a pas un seul titulaire en mathématiques, ce n'est pas qu'il n'y ait pas assez de liberté pédagogique, c'est qu'il y a trop de liberté pédagogique pour beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui ne sont pas toujours à l'aise sur les notions mathématiques, la manière d'enseigner. Et ils aimeraient qu'on vienne les aider. Ils aimeraient aller sans tension dans les autres classes, dans les classes de leurs collègues, qu'ils aillent en français. D'ailleurs, c'est une des propositions d'aller 3 fois par an dans une autre classe. Vous avez remarqué, on n'a pas dit mathématiques. Et donc, ça veut dire, oui, effectivement, aller voir sa propre classe en histoire ou en français se faire visiter par un collègue de sciences industrielles ou de physique, justement, dans le dialogue entre disciplines, c'est quelque chose d'important. Mais si le professeur a une meilleure formation, donc une meilleure application, une meilleure aisance avec ce qu'il doit enseigner, s'il doit individualiser sa pédagogie en fonction de sa classe, pourquoi ce besoin de se référer, notamment sur le périscolaire, au chef d'établissement qui, lui, n'a pas cette connaissance du terrain, de ses groupes d'élèves Parce que le chef d'établissement aujourd'hui, bon, bien sûr, son rôle est à redéfinir d'une certaine manière. Je veux dire, c'est un... Je crois même savoir que dans la campagne présidentielle, c'était un sujet d'une certaine manière. Vous voyez, on a... On discute souvent de savoir finalement quel est le bon périmètre. Est-ce que le chef d'établissement aujourd'hui est, disons, c'est le comme le nom l'indique, c'est-à-dire est-ce qu'il est autonome, responsable, co-responsable ? Vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même qui reste un petit peu flou dans cette histoire. Et manifestement, le périmètre de la fonction va se définir, j'allais dire, va évoluer dans les années qui viennent. Donc très clairement, le chef d'établissement aujourd'hui, je veux dire, dans le fonctionnement des établissements, il y a un impact sur. On donne un exemple, par exemple, dans ce rapport sur l'organisation du temps scolaire, par exemple. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'impact pédagogique dans l'organisation. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe dans la classe, le rapport professeur-élève, qui est essentiel, ou j'allais dire professeur-élève-savoir, je rajouterai aujourd'hui les parents, le chef d'établissement, les équipes, etc. Donc on voit que ce n'est pas uniquement maître-élève qui est en relation, il y a tout un tissu, tout un graphe de relations. Et le rôle du chef d'établissement, c'est de faire en sorte que ces relations évoluent, disons, pour plus d'efficacité. Vous voyez, c'est très simple, mais si vous mettez de 17h à 18h un cours de mathématiques, ou dans certains établissements, je peux citer 4 heures de mathématiques la même journée, vous voyez bien qu'il y a comme un problème d'efficacité pédagogique. Et alors, tout ce que vous êtes en train de me raconter sur l'individualisation, etc., part en fumée. Je vais vous dire, moi, quand j'étais élève dans cette école, je m'en occupais déjà, je vais dans des collèges où, à la récréation, les portes des toilettes sont fermées à clé et qu'il faut aller demander, des collèges, hein, je ne parle pas d'école primaire, il faut aller demander aux surveillants la clé pour aller faire ses besoins. Bah, moi, j'ai une fille qui a 13 ans, et bien, je peux vous dire qu'une fille de 13 ans, elle n'a pas envie d'aller demander à un surveillant la clé pour aller aux toilettes. Eh bien, quand vous n'avez pas pu aller aux toilettes ou que vous avez été gêné, ça crée un stress. Et le cours de maths, qui est juste après la récréation, eh bien, vous voulez tout ce que vous êtes en train de me dire sur la liberté pédagogique, les contenus, tout ça s'envole. Donc, il y a l'impact de la structure, c'est-à-dire le rôle du chef d'établissement. Et d'ailleurs, dans ce collège, je m'étais adressé au chef d'établissement en disant, écoutez, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Vous, c'est que vous êtes en train de nous faire diminuer l'efficacité pédagogique, et le cours de mathématiques ou de français qui passe juste derrière, il vaut rien. Vous voyez ? Donc c'est ça le chef d'établissement. C'est aussi sur le quotidien, c'est le climat scolaire. Qu'est-ce qui se passe dans les couloirs ? Quand vous avez des élèves qui se sont disputés juste avant dans les couloirs, écoutez, dans l'éducation prioritaire, les professeurs, c'est là, en page 6 de ce rapport, la note petite 4. Vous pouvez regarder, je vous ai vu, comme je connais bien ce rapport. Bon, vous l'avez écrit déjà, c'est ça. Regardez, la note 4. CESCO, selon l'enquête Thalys 2013, les enseignants d'éducation prioritaire estiment consacrer au collège 21% du temps de classe à l'instauration et au maintien d'un climat de classe favorable contre 16% hors éducation prioritaire et 12% dans le privé. Voilà, ça veut dire, vous voyez, sur une scolarité, ça fait une année d'écart. Une année d'écart sur une scolarité. Mmh. Vous voyez ? Donc, la question des apprentissages, des savoirs, elle dépend directement du climat scolaire, de l'organisation, des choses, ce qu'on appelle systémiques. Alors, c'est un mot savant, mais ça veut dire que, vous voyez, là, on a des véritables gains de productivité, on a des gains d'efficacité, on a vraiment ici un outil sur lequel on peut travailler, et ça me paraît essentiel. Et là, le chef d'établissement, si vous voulez mettre des clubs, et que vous dites qu'il n'y a pas d'horaire. Si on veut que les professeurs travaillent ensemble, il n'y a pas d'horaire pour se rencontrer. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'horaire. C'est rien. Si on veut que les parents puissent venir, vous voyez, là, le chef d'établissement a vraiment un rôle crucial. Autre chose, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas en France à passer aux 35 minutes de cours alors que, et vous le rappelez dans le rapport, sur les 55 minutes, l'enfant n'est seulement concentré pendant les 35 premières minutes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à franchir ce pas ? Alors, d'abord, il y a des expériences. Par exemple, il y a des collèges où on est à 45 minutes, tout est organisé. Donc, c'est-à-dire que au lieu de passer à une heure, on est à 45 minutes. On donne un exemple à la fin du rapport. Donc, il n'y a aucun obstacle aujourd'hui pour être innovant de ce côté-là. Alors, j'allais dire que là aussi, c'est, j'allais dire qu'il n'y a pas d'obligation d'organisation en 55 minutes ou en une heure. Les chefs d'établissement, en relation avec les recteurs, les DAZN et les équipes, peuvent librement passer à ces expérimentations. Il y a un article, l'article 43, qui, enfin 34, pardon, qui vous permet en fait d'innover et de prendre des initiatives. Il n'y a aucun obstacle. J'allais dire que peut-être la peur du changement. Mmh. Y a la proposition aussi sur un modèle anglo-saxon de faire en fait des classes de niveau de mathématiques. Vous appelez ça les modules. Ça revient un peu à des classes par niveau. Il y a deux modules, on peut repasser le module, etc. Est-ce que ça, ça ne va pas faire est-ce que l'idée, pardon, ce n'était pas ça la question, l'idée que la classe se rassemble dans sa diversité pour créer une émulation, est-ce que ce modèle-là est en train de disparaître? Est-ce que c'est un modèle dépassé? Est-ce qu'on est contraint de maintenant de faire des classes par niveau? Alors, la question est complexe. Je vois bien que vous êtes philosophe de formation. donc, effectivement, il y a... C'est une question de pédagogie. Oui, il ouais. Y a une sorte de... Pour parler, ici, on a l'ENS. Donc, d'un point de vue philosophique, il y a un conflit, en vérité, entre deux objectifs louables. Le premier, c'est l'adaptation du système à l'individu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la différenciation. On le voit par exemple avec le handicap. On a de nombreux exemples où vous avez avec des outils, des tablettes, une adaptation. Par exemple, si vous êtes dyscalculique, si vous n'avez pas réussi à écrire, etc. Aujourd'hui, il y a des outils absolument formidables. Donc l'inclusion scolaire, évidemment, pour le handicap. Et donc ça, on va dire, l'individualisation de l'enseignement sur l'individu ramène finalement, d'un point de vue philosophique, le concept à l'enfant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la question du groupe et la marge du groupe. Alors, on voit bien que, par exemple, si vous êtes en Asie, c'est très important que le groupe avance collectivement. C'est-à-dire que personne n'avance s'il y a encore un individu qui n'a pas réussi. Comment dire ? D'une part, disons, c'est une philosophie qui est un petit peu différente de la philosophie occidentale qui considère, si vous voulez, l'individu comme le centre de la réflexion philosophique, alors qu'en Asie, le centre de la réflexion philosophique, c'est plutôt le groupe. L'environnement. Voilà, l'environnement. Donc là, si vous voulez, il y a très clairement, un conflit qui dépasse l'enseignement, qui est un conflit de culture individuelle. Mais justement, alors, sur ce point... Je n'ai pas tout à fait répondu à la question. Allez-y, alors. Mais donc, après, il faut voir d'un point de vue de l'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'on fait C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, par exemple, c'est de faire en sorte que personne ne sorte fâché avec les mathématiques. La réalité, ce n'est pas qu'il y ait plus, mais c'est que souvent, il n'y a pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément d'élèves qui sortent du lycée fâchés avec les mathématiques. Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement qu'on puisse... si on a loupé une marche, au lieu de continuer à tomber, d'avoir la possibilité de remonter sur cette marche. Vous voyez, c'est quand même c'est quelque chose qu'il faut le voir de manière très positive et pas de dire, on va mettre les mauvais ensemble, les bons ensemble. Donc, c'est absolument pas ça. C'est de faire en sorte... La réalité, c'est comme tout à l'heure, la liberté pédagogique. C'est souvent trop de liberté pédagogique pour beaucoup de professeurs. Et donc, c'est vrai qu'on a un problème en mathématiques. C'est pas comme en histoire. Je veux dire, si vous n'aimez pas les Mérovingiens, peut-être que vous allez aimer l'histoire contemporaine. Vous voyez, je comprends qu'il y a quand même un lien entre les deux, mais comment dire, il y a moyen de se rattraper. Et pareil en philosophie. En mathématiques, il y a une croyance qui est que c'est très stratifié, il faut d'abord faire n pour faire n plus 1, et que si vous n'avez pas fait n, vous ne pourrez pas monter. Et si vous n'avez rien compris à n, ça sera pire à n plus 1. Donc ça, vous n'avez pas le droit à la deuxième chance. Nous, notre philosophie, c'est de dire... À chaque instant, on veut avoir la deuxième chance. Alors, c'est vrai que quand il y a tout le groupe qui avance, etc., ça peut être compliqué. On a un espace au lycée aujourd'hui pour permettre justement, avec la réforme Mathiot, on va voir aujourd'hui ce que le ministre va proposer, en définitive sur la réforme du lycée, peut-être un peu plus de flexibilité pour un peu plus d'adaptabilité. Merci Charles Torossian d'avoir répondu à nos questions sur ce rapport 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques qu'on retrouve sur le site education.gouv.fr. Je vous avais promis la petite surprise, elle arrive. Merci. Des Mérovingiens à l'histoire contemporaine, autant d'inspiration historique pour une fable en alexandrin. Et pourtant, c'est la fable des animaux, non? Bonjour Miss Fontaine. Bonjour Morgan, bonjour à tous. Mes amis, écoutez le jardin qui s'éveille. Là-bas, dans la cour, on entend des oiseaux pépillants, gazouillants, couvrant le bruit de l'eau. Chacun peut voir leur nid et chacun s'émerveille. À notre admiration que chacun leur destine, il faut soustraire, hélas, une fraction d'oisillons qui ne s'intègre pas à l'heureuse équation et connaît des problèmes pour trouver ses racines. Ils ne sauraient mêler leurs cris à ces cantiques, car invariablement, ils se sentent matés par leur impuissance, voire par leur nullité. Ils se savent mauvais, c'est clair, mathématique. Mais ce manque d'estime, serait-ce un pis-aller ? Bien sûr, tous ces oiseaux peuvent construire un nid. Des gens fidèles planqués, dans un zèle infini, envoient deux papillons pour bien les conseiller. Les deux lépidoptères volaient à droite, à gauche, quittent une ville animée et, plein de confiance, se font nommer redresseurs de tort en science. Si leur art est nié, sans faiblir, ils se gaussent. Ils rapportent du monde des méthodes qui marchent. Il faut, pour faire des nids, des objets plus concrets, des cubes, des jeux, du bois. Voilà tout le secret. Mais c'est un théorème depuis longtemps en marche. Ne soyons point carrés, explique-t-il encore, et ne rédignons pas des cartes qui fonctionnent. Il faudrait que travail et plaisir s'additionnent. Leur projet, dans l'idée, appelle notre accord. Mais, et sa mise en marche ? Ma chronique achevée, je ne pourrais trancher. Donc que l'avenir réponde. Ont-ils trouvé un point pour soulever le monde ? Sauront-ils imposer ce qu'il faut démontrer ? Charles Torossian, sa mise en marche ? Bah écoutez, en action, j'allais dire. Ça va être réalisé ce programme, les 21 mesures ? Bien sûr. Ouais, bien vous sûr, avez eu le retour de Jean-Michel Blanquer. Absolument, la conférence de presse l'a montré. Puis je voulais dire que quand même ce rapport, c'est un travail collectif. Ce qu'on préconise, c'est le travail en équipe. Et on a démontré qu'on pouvait travailler en équipe. Toutes les personnes qui sont là ne pensent pas pareil. Et j'allais dire qu'on est riche dans notre diversité. Et savoir agglomérer les compétences des uns et des autres, ça permet de réaliser quelque chose qui était impossible à faire entre moi. Merci à tous. Merci beaucoup, Charles Torossian, d'avoir été l'invité. Un petit mot avant de vous rendre l'antenne. Un grand merci à Clément. Clément, merci pour ce sourire matinal qui dissimulait tes cernes. Merci pour les messages encourageants du dimanche matin. C'était chouette de travailler avec toi. Alors profite de ton voyage et reviens-nous avec plein d'idées. Oh. Bonne fin d'émission. Merci Morgan, merci pour cette allusion à mes cerfs de matinale qui malheureusement de matinale en matinale sont de pire en pire, désolé. Merci beaucoup Charles Torossian. Passons de N à N plus 1 pour cette dernière partie d'émission où nous aussi nous allons travailler en équipe. Alors, nous poursuivons avec la matinale du Love. Une chronique littéraire à faire rougir, le fond de l'air sera non pas vert mais rose avec Nicolas et Isult aura trouvé un partenaire particulier pour sa chronique particulière. Et enfin, le bourreau des cœurs Evry prendra l'antenne pour sa carte blanche. Mais avant cela, c'est l'heure de la mood musicale et une mood amoureuse en ce 14 février. Alors parmi les innombrables chansons d'amour, il a fallu en choisir une. Et l'heureuse élue, Clément, si je te dis « All you need is », tu me réponds Love. Love is all you need. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le 14 février et pour cette Saint-Valentin, l'heure est venue du bilan. Que retenir de cette année sur le plan de l'amour ? Nous avons mené l'enquête et oui, car la matinale de l'ENS, c'est aussi du journalisme d'investigation. C'est une année où Cupidon n'a manifestement pas chômé. Antoine Griezmann et Lionel Messi ont décidé de faire une passe décisive. Adèle a-t-elle dit oui à son compagnon ? Eh bien oui, merci Cupidon. Et même DSK a amené sa promise à l'hôtel. Celui de l'église, bien entendu, pas au Sofitel. Au-delà de cette mise à jour du carnet du cœur chez nos people, qu'en est-il de la place de l'amour dans nos sociétés de façon plus sérieuse ? Elle semble très grande dans le domaine virtuel où le vocabulaire amoureux est surabondant. Entre les likes, les réactions j'adore ou les emojis amoureux avec des cœurs pleins les yeux, l'amour coule à flot. Mais la multiplication de ce langage amoureux ne retire-t-elle pas de facto de sa force et de son intensité un vocabulaire déjà pourtant restreint dans la langue française ? Que signifient encore les verbes aimer ou adorer ? On adore que Dieu, entend-on parfois dire. Et en effet, étymologiquement, adorer dérive du latin orare, qui signifie rendre un culte. Ainsi, s'agirait-il peut-être de savoir goûter plus pleinement le sens des mots et ne pas tomber dans une exagération des sentiments qui cache parfois une certaine artificialité des réactions. En fait, pourquoi ne pas retrouver une certaine pudeur, comme le dit Flaubert dans l'éducation sentimentale ? Les affections profondes ressemblent aux honnêtes femmes, elles ont peur d'être découvertes et passent dans la vie les yeux baissés. Pour Flaubert, l'affection profonde n'est pas celle qui s'étale sur le devant de la scène, qui s'affiche sur Instagram avec un hashtag KissCurLove, mais celle qui sait garder une certaine pudeur ou réserve sans pour autant tomber dans la pudibonderie. Laissons pour finir la parole au poète, en l'occurrence Ronsard, qui fait de la difficulté à exprimer ses sentiments le sujet même de plusieurs de ses sonnets. Ou comment passer d'Antoine Griezmann à Ronsard en moins de 2 minutes. Alors, voici donc ce petit sonnet que nous voulions vous conter. Bien mille fois et mille, j'ai tenté de fredonner sur les nerfs de ma lyre, et mille fois en sans papiers écrire le nom qu'amour dans le cœur m'a planté. Je suis semblable à la prêtresse folle qui bègue, perd la voix et la parole, dessous le dieu qui lui brouille le sein. Ainsi troublée de l'amour qui me touche, folle et béant, je n'ouvre que la bouche, et sans parler, ma voix se perd en vain. Et voilà, bon, pour ceux qui n'auraient pas perdu leur voix, un dernier petit coup des Beatles. Et sans plus tarder, nous accueillons Antoine de la chronique littéraire et Marin, donc son lecteur. Antoine, petit coquin, qui me précisait l'autre jour en préparant l'émission, je cite « Bon, je vais essayer de ne pas prendre un truc trop porno, chapeau, chapeau ». A-t-il tenu sa promesse ? Je vous laisse le soin d'en juger. Chers auditeurs, Antoine, à toi l'antenne. Belle allitération au passage. Donc oui, merci beaucoup pour cette introduction, je ne sais que dire maintenant. Et oui, donc en effet, on va un petit peu virer vers l'art du porn, n'est-ce pas ? Mais avant ce sommet, n'est-ce pas ? Ce sommet fort érigé qui est le porno, nous allons d'abord commencer par un petit sonnet, car moi aussi j'avais eu l'idée de parler d'un sonnet. Tout le monde pense sonnet, c'est vraiment magnifique. Et donc c'est un poème de Dubelet, un copain du cher Ronsard, et qui est tiré de l'Olive. La nuit m'est courte et le jour trop me dure. Je fuis l'amour et le suis à la trace, cruel me suis et requiert votre grâce. Je prends plaisir aux tourments que j'endure. Je vois mon bien et mon mal je procure, désir m'enflamme et crainte me rend glace. Je veux courir et jamais ne déplace, l'obscur m'éclaire et la lumière obscure. Vôtre je suis et ne puis être mien. Mon corps est libre et d'un étroit lien, je sens mon cœur en prison retenu. Obtenir ne veut et ne puis requérir, ainsi me blesse et ne veut me guérir, ce vieil enfant aveugle archer et nu. Et donc j'ai pris cet extrait pour surtout son dernier vers qui est très beau. Et c'est sur ce vieil enfant aveugle, archer et nu. Et peut-être ce qui nous rend proche de Dubelet lorsqu'il parle, c'est le fait que l'amour reste un phénomène encore qui est perceptible au XVIe siècle et qui est encore perceptible aujourd'hui. L'amour est une des grandes préoccupations de la littérature. Par exemple, ce n'est pas pour rien que le roman, à l'origine, ce sont des épopées en vers qui mettent en place des aventures courtoises au XIIe siècle, comme dans les romans de Chrétien de Troyes. Et ce roman en mettant en place l'amour, a pour but de nous civiliser, de nous faire de nous des êtres plus purs qui ne sont plus soumis à nos bas instincts, mais qui sont des véritables êtres d'esprit. Conformément à ce que fera, à la distinction que fera Rémy de Rougemont dans L'amour et l'Occident. Car on ne parle pas seulement de livres écrits d'une main par le capitaine Crochet ou d'amour Fifty Shades of Grey dans une lumière tamisée, ou alors des deux saints que je connus dans l'église de C, saint de droite et saint de gauche, n'est-ce pas ? Mais on va vraiment, véritablement parler d'histoire de fiction, de la belle fiction qui est censée nous mener à des sentiments rendus plus forts par la littérature. Et le livre de Laurent Binet, qui sera un des deux livres évoqués ici, La septième fonction du langage, commence par cette phrase « La vie n'est pas un roman ». Et par là, il va commencer évidemment par tuer celui qui a tué l'auteur, Roland Barthes. Alors, pour résumer l'intrigue, tout commence lorsque Roland Barthes, en revenant d'un dîner chez Mitterrand, est percuté par une camionnette. Donc après ce début renversant, on se rend compte que... On finit par se rendre compte que Roland Barthes avait possiblement un papier sur lui qui était d'une très grande importance, car il était la septième fonction du langage. Alors, qu'est-ce que la septième fonction du langage ? Qu'est-ce que la septième fonction du langage ? On ne tient plus debout. Et donc les six fonctions du langage, c'est un concept créé par Jacobson pour décrire les six utilisations que nous pouvons faire de la parole. C'est passionnant, n'est-ce pas ? Et donc, les souvenirs de Kang reviennent, hein, t'inquiète. Ça revient au grand galop. Et cette septième fonction permettrait de convaincre instantanément son interlocuteur. Donc ça serait très très utile, j'aimerais beaucoup l'avoir pour faire des vraies bonnes chroniques pour ma part. Et évidemment, Giscard d'Estaing, qui est à ce moment-là au pouvoir, est très inquiet par cette nouvelle fonction du langage qui pourrait évidemment lui coûter l'élection en 1980. Et il dépêche pour cela deux inspecteurs, Bayard, un vieux flic qui a fait l'Algérie, très rupestre et extrême droite, et le jeune Simon Herzog, donc SH, Sherlock Holmes, tout ça. Ah, c'est mes initiales. Ah. La vie n'est pas un roman, je tiens à rappeler. Et il le dépêche pour retrouver donc qui a tué Roland Barthes. Et on retrouve toute l'intelligentsia de ces années, Foucault, Derrida, Solers, mis dans des postures plus ou moins ridicules. Comme on voit Solers se faire émasculer, ou Foucault se faire sucer par un arabe, ou Derrida se faire déchirer par des chiens. Alors bon, ça fait un petit peu magazine People, dit comme ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu la tare qu'on peut trouver au livre, c'est qu'il... Il y a un petit peu trop, comme disent les anglo-saxons, de name-dropping, et un petit peu trop de tendance à ne pas faire vraiment d'histoire, mais à reposer sur un effet comique, qui en gros, cet auteur a dit cela, mais dans la vérité, il lui arrive des aventures pas très intéressantes. Alors, Laurent Binet a beaucoup réfléchi sur la limite entre la fiction et la vérité. Il a déjà fait un roman historique très remarqué avec HHHH, mais peut-être que ce livre a un petit peu trop de poivre pour être un bon plat. Il est peut-être trop satirique, véritablement, pour emporter le désir de fiction sur lequel, pourtant, il débouche, en fait, et qui est l'appel véritable du texte. Nous allons lire un extrait de La septième fonction du langage et un autre extrait un peu plus porn, nommé carrément Craquant. Laisse voir si c'est une croûte ou si c'est un vrai livre. Alors, on y va ? On y va. Derrière Bayard, un chauve au corps sec et à la mâchoire carrée est assis, nu, les bras en croix. Ça se passe dans un sauna gay. Un sauna gay. Ah, d'accord. Les bras en croix, appuyés sur le dossier d'un banc de bois. Les jambes largement écartées, en train de se faire sucer par un jeune homme filiforme qui porte une boucle d'oreille, mais qui a les cheveux courts. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant, commissaire ? Demande Michel Foucault en dévisageant Simon Herzog. Bayard contient sa surprise, mais ne sait pas quoi répondre. Simon Herzog ouvre de grands yeux. L'écho des backrooms remplit le silence avec des cris et des gémissements. Les moustachus, dans l'ombre, se tiennent par la main en observant Bayard, Herzog et Foucault à la dérobée. Foucault interroge Bayard. « Comment trouvez-vous cet endroit, commissaire ?» Bayard ne répond rien, on entend juste l'écho des backrooms. « Hein ? Hein ?» Foucault, « Vous êtes venu pour chercher quelqu'un, mais vous l'avez déjà trouvé, à ce qu'il me semble. » Il désigne Simon Herzog en riant. « Votre Alcibiade !» Les backrooms. « Ah ! Ah !» Bayard. Je cherche quelqu'un qui a vu Roland Barthes peu de temps avant son accident. Foucault, caressant la tête du jeune homme qui s'affaire entre ses jambes. Roland avait un secret, vous savez. Bayard demande lequel. Les backrooms ahanent de plus en plus fort. Foucault explique à Bayard que Barthes concevait le sexe à la manière occidentale, c'est-à-dire à la fois comme une chose secrète et comme une chose dont il fallait percer le secret. Roland Barthes, dit-il, c'est la brebis qui voulait être pasteur et qui l'a été. On ne peut plus brillamment. Mais pour tout le reste, pour le sexe, il est toujours resté brebis. Les backrooms mugissent. Ah ! L'arabe toucheur essaye de passer la main sous la serviette de Simon, qui le repousse doucement. Alors il s'en va approcher les moustachus. Au fond, dit Foucault, Roland avait un tempérament chrétien. Il venait ici comme les premiers chrétiens allaient à la messe, sans rien y comprendre, mais avec ferveur. Il y croyait sans savoir pourquoi. Dans les backrooms, oui, oui, l'homosexualité vous dégoûte, n'est-ce pas, commissaire ? Plus fort, plus fort ! Pourtant, c'est vous qui nous avez créés. La notion d'homosexualité masculine n'existait pas dans la Grèce antique. Socrate pouvait s'enfiler à Alcibiade sans passer pour un pédéraste. Les Grecs avaient une idée plus haute de ce que pouvait être la corruption de la jeunesse. Foucault renverse la tête en arrière en fermant les yeux, sans que Bayard ni Herzog puissent déterminer s'il s'abandonne au plaisir ou s'il réfléchit. Et toujours le cœur qui monte des backrooms. Oh, oh ! Foucault rouvre les yeux, comme s'il venait de se rappeler quelque chose. Et pourtant, les Grecs aussi avaient leurs limites. Ils déniaient au jeune garçon sa part de plaisir. Ils ne pouvaient pas l'interdire, bien sûr, mais ils ne le concevaient pas. Et finalement, procédaient comme nous. Ils se contentaient d'exclure par la bienséance. Les backrooms, non, non ! La bienséance est toujours la plus efficace des moyens de coercition, en fin de compte. Il se désigne l'entrejambe. Ceci n'est pas une pipe, comme dirait Magritte. Puis il redresse la tête du jeune homme qui n'a pas cessé de le pomper consciencieusement. Mais toi, tu aimes me sucer, n'est-ce pas, Ahmed ? Le jeune homme hoche doucement la tête. Foucault le regarde avec tendresse et dit, en lui caressant la joue, « Ça te va bien, les cheveux courts ?» Le jeune homme répond en souriant, « Merci bien. » Bayard et Herzog ont tendu l'oreille. Ils ne sont pas sûrs d'avoir bien entendu, mais il ajoute, « Tu es gentil, Michel, et tu as une belle queue Kong. » Ça nous laisse tous sans voix. Nicolas, un deuxième... Bon, carrément craquant. Moi, j'attends, on passe carrément craquant. Ah. On y va. Nolan Ford n'écoutait pas Eve Monroe qui lui passait un savon. Il ne cherchait pas du tout à lui manquer de respect, mais franchement, elle était capable de lancer une dispute pour des broutilles. Par ailleurs, le dernier bouton de son chemisier était prêt à lâcher. Et chaque fois qu'elle levait le bras pour l'agiter en l'air, Nolan retenait son souffle en attendant qu'il cède. Eve lui plaisait depuis plusieurs années et il s'arrangeait pour ne jamais la louper quand elle venait sur le circuit ou au garage, claquant de ses hauts talons dans ses tailleurs pantalons stricts. Elle croyait que personne ne se rendait compte qu'elle était une femme et y travaillait sans doute. Mais pour Nolan, sa féminité était une évidence. Eve était très très belle, sexy et chaude comme un piment sorti du four. De ses cheveux châtains brillants aux reflets auburn à ses yeux aux paillettes dorées, en passant par des jambes fines et un postérieur bien ferme, c'était une bombe aux yeux de Nolan. « Boxer, slip, caleçon, tu portes ce que tu veux, je m'en fiche, mais tu mets quelque chose !» disait-elle, exaspérée. « Sérieux, il faut un minimum de décence !» Le jeune homme réprima son amusement. Elle affichait une expression tellement grave, même pour aborder le sujet de son caleçon, ou plutôt le fait qu'il n'en portait pas. Mais il savait que s'il esquissait le moindre début de sourire, elle se transformerait en cocotte minute. Eve n'était vraiment pas contente de l'incident survenu l'autre jour pendant la course. « Ben, il faut me comprendre. On a vraiment chaud dans nos combinaisons. Certaines parties du corps ont besoin d'un peu d'air. » Elle prit une profonde inspiration, ce qui ne fit que tendre encore plus le chemisier sur sa poitrine. Nolan regarda avec fascination le bouton s'échappant à moitié de la boutonnière. S'il allait plus loin, son soutien-gorge serait dévoilé. Si jamais cela se produisait, il n'était pas sûr de pouvoir contenir son érection. Et comme il ne portait toujours pas de caleçon ce jour-là, elle risquait de s'en apercevoir. Eh bien, merci, merci. Donc, il fallait un minimum de décence pour cette chronique. On pense qu'on s'est complètement assis dessus. Tant pis, bon, j'ai envie de dire, c'était la matinale du love, la matinale un petit peu osée. Chapeau, chapeau, n'est-ce pas, Antoine ? Bon. Oui, oui, il fallait oser, n'est-ce pas ? Il fallait oser. Eh ben merci à vous deux et tout de suite on va passer la parole à Nicolas, petit piment sorti du four, je ne sais pas, mais le fond de l'air est vert cette semaine, avec toi il est toujours rose, n'est-ce pas Nicolas ? Toujours rose et sans transition, on commence par une petite chanson pour se mettre en jambes. Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle. Alors aujourd'hui, après cette page assez chaude hein, de la... La chronique littéraire, hein, donc je vais devoir faire aussi bien. Je vais faire la Saint-Valentin de la nature et je vais m'intéresser à quelque chose de chaud qui nous concerne tous, la sexualité. Alors, je ne vous dirai pas tous le zizi, hein, Clément, mais je vais vous dire tous les zizi. Car aujourd'hui, je vais m'intéresser surtout aussi aux fleurs, donc à la vie secrète des plantes, car elles ont vraiment une vie secrète. Donc, alors, pour les nantis en couple et même les autres, aujourd'hui, on va plutôt parler aussi des merveilles de la sexualité. Cette fantastique loterie historique. Alors, la première question de la sexualité, c'est... est-ce que ça va de soi ? Qu'est-ce que c'est vraiment la sexualité ? C'est quoi la sexualité ? Ben oui, c'est quoi la sexualité ? Alors, du coup, il y a une part d'espèces assez intéressantes dans la nature qui sont asexuées, il y a environ 4-5% d'espèces qui sont asexuées. Et certaines d'entre elles, je me suis intéressé sur la chose, se reproduisent de façon assez originale par partogénèse. C'est quoi la partogénèse ? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la partogénèse. Alors, c'est... Évry, tu sais, pas le moment de ta chronique. Alors... C'est ça. C'est une reproduction monoparentale. Alors, tenez-vous bien. Ils n'ont pas besoin en fait, de gamètes opposées pour se reproduire. Donc en vrai, c'est un joli pied de nez à la Saint-Valentin. C'est un peu pas comme confondre si avec l'onanisme. Voilà, à pas confondre avec l'onanisme. Mais c'est comme si tu étais tout seul à la Saint-Valentin, à ta table. Pas besoin de personne d'autre. Hein. Par exemple, le dragon de Komodo ne font que des femelles. C'est des femelles qui font des femelles. Ah. Les mâles sont vus comme une perte d'énergie. Et comme un parasite, du coup. Donc on a bien failli ne pas avoir de Barry White, un grand chantre de la Saint-Valentin. Avec la partogénèse. Alors, les fourmis, c'est l'inverse. Par exemple, la reine, elle est remplie de. Elle a un truc qui s'appelle la spermathèque. Et du coup. Quoi c'est pas la discothèque. C'est la spermathèque. Et en fait, elle fait un nombre de bébés assez incroyable. Mm-hmm. Et en fait, à chaque fois qu'elle éjecte une larve, elle choisit de mettre un sperme ou pas. Et en fait, si elle n'en met pas, c'est un petit mâle qui sort. Et les soucis, les petits mâles, en fait, du coup, ils sont tous identiques. C'est-à-dire qu'ils ont tous. C'est des clones. Parce qu'ils ne sont pas fécondés, ils sont faits par partogénèse. Et du coup, c'est un peu le problème avec la partogénèse, c'est que tout le monde se ressemble. Donc du coup, c'est un peu gênant. Imaginez dans un restaurant pour la Saint-Valentin, c'est un peu gênant. Donc la partogénèse, on oublie. Alors on va retourner chez ces bons vieux sexués hein, dont on fait partie. Donc il y a, c'est vrai que chez les sexués, il y a des chauds lapins. Hein, vous connaissez bien la vie débridée des bonobos. Hein. Qui règlent leurs conflits à coup de sexe. Dès qu'il y a tension dans la communauté, il y a sexe qui dure 2 ou 3 secondes. Non, sexe avec pénétration. Ah, coup de sexe. si tu veux une précision. Alors, entre hommes et femmes et hommes et hommes, c'est intéressant. Enfin, il y a pas de limite. Savoir varier les plaisirs. Ouais. Alors, il y a aussi de l'autre côté, il y a les pigeons. Hein. Enfin, on pourrait dire à la Saint-Valentin amoureux comme un pigeon, parce que les pigeons sont. La vie débridée des pigeons. Non, pas débridée. Ah. Les pigeons sont une des espèces les plus comment dire. Ils sont dès qu'ils se mettent en couple, c'est pour la vie. Ah bah. Donc ça, on le sait très peu sur les pigeons, mais. Alors bref, je ne veux pas m'intéresser à tout cela parce que je veux m'intéresser à quelque chose de bien plus chaud et de bien plus insoupçonné, la sexualité chez nos amis les végétaux. Alors accrochez vos ceintures, respirez bien, la température va monter dans le studio. Donc alors, je vais commencer par la sexualité du thym. Alors, au non-initié, ça semble un sujet un peu banal, mais bon, il a été étudié par Pierre-Henri Gouillon avec brio, avec un sujet de texte qui s'appelle « The Time They Are Changing », une petite référence à Bob Dylan. Alors, la sexualité du thym est assez torride. Alors, chez le thym, c'est assez complexe, parce qu'il faut dire qu'il y a des mâles, des femelles, des hermaphrodites, donc déjà, c'est un peu plus complexe. Et il faut se dire qu'en fait, il y a une scène de ménage intérieure en fait entre tous les individus et leurs gènes. Donc imaginez que vous dans vos cellules qui veulent faire des petits, vous avez deux façons de vous reproduire. Il y a une partie de la cellule qui va faire des gamètes qui viennent du noyau et l'autre qui va faire des gamètes qui viennent du cytoplasme, donc de ce qu'il y a autour en fait. Donc en fait, il faut vous dire qu'il y a un énorme bordel à l'intérieur des gènes en fait, non des cellules. Donc c'est un conflit intragénomique comme on dit. Et ça veut dire que selon en fait la gamète qui va sortir, ça va être un mâle, une femelle ou un hermaphrodite. Donc c'est une sexualité extrêmement complexe. Donc on imagine bien tous les problèmes d'identité de genre que peuvent avoir nos amis le thym. Mais je vais encore aller plus loin. Je vais aller avec les trèfles qui eux ont une sexualité totalement débridée. Je vais finir sur eux, car en fait c'est totalement incroyable. Ils ne peuvent en fait se faire féconder par un individu qui a totalement rien à voir avec eux. Genre mon chien. par exemple, mais en fait, là où ça devient mindfucking, c'est qu'en fait, chaque génotype de trèfle est un sexe. Il y a autant de sexes différents chez les trèfles que d'individus. Ok. Oui, non, mais en gros. Explique-nous, Clément. Tu vois, dans l'espèce humaine, il y a des garçons, des filles, des non-binaires. Bon, et les non-binaires. Bon, et eux, bah, il y a les trèfle 1, trèfle 2, trèfle 3, trèfle. Voilà. D'accord. T'imagines trèfle cette, N, trèfle N plus 1. Cette foule de possibilités chez les trèfles. Cette sexualité incroyable dont on ne soupçonne pas et qu'on ne peut même pas imaginer, en fait, hein, avec nos catégories. Bah oui, avec nos catégories binaires. Nos catégories binaires. Donc, je suis sûr, Evry va nous parler juste après. Donc voilà, c'était ma petite chronique sur la vie secrète des plantes. Eh ben merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. On a encore appris beaucoup, beaucoup de choses. Bon, bah, à la semaine... Bah non, pas la semaine prochaine, mais merci quand même. Si, à la semaine. Bonjour, Iseult. Iseult qui cherche. Bonjour, qui cherche. Clément. Mais oui. A-t-elle trouvé l'amour? Ça, je ne sais pas, Clément. Mais en tout cas, elle nous a trouvé cette semaine France Les. Je ne sais pas comment on prononce ton nom de famille. Le bas, d'accord, rien à voir. Attends, c'est j'avais un super jeu de mots que je ne vais pas faire du coup. Une erreur de phrase. Qui va donc nous parler de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. À vous deux. Oui, alors en fait, aujourd'hui, l'autre volet de la Saint-Valentin, c'est le mercredi des cendres. Et du coup, on va parler de la conversion aujourd'hui. Ça casse un peu l'ambiance. Alors France, tu fais en mémoire cette année sur l'Heptaméron, célèbre ouvrage de Marguerite de Navarre. Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est, enfin nous présenter un peu l'œuvre, pardon, et nous dire quelle place cette œuvre tient dans l'ensemble des ouvrages de Marguerite de Navarre? Alors l'Heptaméron a une place, un statut assez particulier parce que déjà c'est une œuvre inachevée. Elle est morte avant de pouvoir terminer. Au départ, ça devait faire 100 nouvelles en fait. Finalement, il n'y en a que 70, d'où le titre Heptaméron. Et ensuite, ça a un statut particulier aussi parce qu'elle se distingue vraiment des autres œuvres de la princesse par ses thèmes. L'œuvre poétique et théâtrale a une thématique vraiment explicitement religieuse. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un autre registre. Tandis que l'Heptaméron se veut d'abord, au premier abord, comme un divertissement mondain. On a 10 devisants, 10 nobles qui se retrouvent isolés pendant 10 jours. Et qui, pour passer le temps, décide de se raconter des histoires contemporaines avec des thèmes très hétéroclites. Et ce qui a beaucoup étonné les lecteurs de l'époque et les critiques, c'est que finalement, les thèmes des histoires sont assez étonnants pour une princesse pieuse comme Marguerite de Navarre. On a des histoires assez violentes d'inceste, de viol, de meurtre, et au contraire, des histoires avec un comique obscène. Voilà, donc ça a beaucoup étonné de la part de cette princesse extrêmement pieuse. Ouais. Et justement, en parlant des critiques, il y a une opposition au sein des critiques pour savoir un peu quel genre l'Heptaméron serait. Ouais. En fait, pendant longtemps, il y a eu vraiment une opposition de courants. Il y avait un premier courant qui pensait qu'il y avait une unité dogmatique de l'œuvre et que, comme le reste des œuvres de Marguerite de Navarre, on trouvait une pensée religieuse unifiée et cohérente. Et au contraire, il y avait un autre courant qui pensait qu'il y avait dans l'œuvre une totale déconstruction de toutes certitudes humaines et de tout discours dogmatique, sans figure d'autorité et qu'il n'y avait pas de morale aux histoires. Alors toi, tu penches pour une lecture spirituelle de l'œuvre, explicitement spirituelle, en mettant en avant le thème de la conversion, donc au cœur de l'Heptaméron. Oui, alors en fait, je rejoins un courant de la critique actuelle qui a tendance à refermer un peu l'opposition et qui pense qu'il y a en fait un fil conducteur que constitue la pensée évangélique de Marguerite de Navarre, parce qu'elle fait partie de ce courant un peu au temps de la réforme évangélique, un peu entre catholicisme et protestantisme. Et qui pense que comme fil conducteur, il y a le thème de l'impuissance humaine et de la miséricorde de Dieu. Voilà, et donc je pense que c'est une idée pertinente. Et je m'inscris notamment dans l'idée selon laquelle, qui a été vue par d'autres critiques, hein, il y a une dimension heuristique dans l'œuvre. Il s'agit de chercher, en même temps que les devisants, le sens de ces histoires et apprendre à lire dans chaque vie humaine la présence de Dieu. Et alors moi, je m'intéresse à la conversion, qui en apparence n'est pas un thème très important, mais qui en fait sous-tend pas mal de nouvelles. Surtout dans la conversion au sens de repentir, enfin, c'est ce qu'on trouve dans la Bible en fait. Dieu qui appelle les hommes à se repentir de leurs péchés et à choisir une vie plus en accord avec les préceptes de Dieu. Si je devais faire une petite typologie thématique, je dirais qu'il y a à peu près quatre types de conversions. Il y a d'abord la conversion quand l'amant se convertit de l'amour charnel, du désir, etc., à un amour gratuit envers sa belle, le fait de service, comment ? Comme les pigeons, exactement. ensuite, il y a au contraire, quand l'amant décide de quitter son amante déçue par l'amour et de rentrer au couvent, voilà, ou de se faire ermite. Il y en a beaucoup. Ensuite, il y a aussi la conversion dans le couple, quand l'époux, l'épouse part voir ailleurs. Après, il peut se repentir, pas toujours changer, mais en tout cas se repentir, et l'époux pardonne. Et enfin, il y a aussi les conversions entre le père, le frère, etc., qui va tuer l'amant, et donc qui finit par regretter, ou non, d'ailleurs, ce qu'il a fait. Mais donc, on peut faire une typologie thématique, mais à côté de ça, il n'y a pas de conversion modèle dans l'œuvre. Ce qui est assez beau, c'est que toutes les histoires sont très singulières, et toutes les conversions sont très singulières. Donc, assez réaliste, quand même. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup tu peux nous dire en quoi c'est un enjeu dramatique de l'œuvre ? Alors c'est un enjeu important pour l'œuvre parce que justement il s'inscrit dans ce chemin d'apprentissage que propose Marguerite de Navarre, c'est-à-dire apprendre à lire le monde non d'un point de vue humain mais d'un point de vue divin. Il s'agit d'abandonner les valeurs humaines comme l'honneur, l'amour courtois ou la réussite pour se rendre compte que la perspective de sa vie c'est le salut. Et donc que le but de notre vie, c'est la conversion. Et à travers les conversions des personnages, il s'agit pour le lecteur de comprendre que c'est à lui de se convertir. Voilà, et en fait, ce que je trouve assez beau, c'est que ça peut paraître hyper austère, hyper pessimiste de voir tous ces personnages qui tombent, qui pêchent, qui font des histoires pas possibles et qui se convertissent, mais qui repartent dans le sens inverse, etc. Mais lire l'œuvre du point de vue de la conversion, c'est au contraire, je trouve, voir le côté optimiste de l'œuvre. C'est-à-dire, alors pour reprendre un terme chrétien, on va dire, c'est voir l'espérance, parce que je pense vraiment que Marguerite de Navarre, elle invite le lecteur à voir, à travers les chemins imparfaits de tous ces personnages, à tourner son regard vers l'amour de Dieu, qui conduit les âmes avec une manière toujours singulière. Voilà, et donc c'est un appel à l'espérance. C'est très beau. Et alors, juste pour revenir au thème de l'amour... C'est vraiment autre chose, hein. Marguerite de Navarre, en fait, s'oppose à une conception de l'amour qui est très en vogue à l'époque et qui est une conception phycéenne, donc de Marcille Ficin. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler vaguement qui est Marcille Ficin et alors comment Marguerite de Navarre s'oppose à sa conception de l'amour ? Voilà, en fait, dans le recueil, donc, on trouve à peu près 6 nouvelles qui sont regroupées par leur façon de concevoir l'amour. Et donc, Marcille Ficin, c'était dans le courant néo-platoniste. Par rapport à l'amour, il considérait qu'en fait, c'est l'amour humain perfectionné qui permet de s'élever à l'amour divin. Et c'est en contemplant... la beauté d'une femme qu'on en vient à contempler la beauté de Dieu. Et Marguerite de Navarre, en fait, renverse complètement ça. Justement, elle montre dans ses nouvelles où l'amant... C'est les nouvelles, justement, où l'amant est fou amoureux de sa belle, voilà. Et puis, en fait, il en vient non pas à perfectionner son amour, mais à être profondément déçu par une trahison ou voilà, par des causes multiples. Et à se tourner, à rentrer à ermite ou au couvent, et justement à se tourner par déception vers l'amour de Dieu. Plus ou moins parfaitement à chaque fois. Mais voilà, c'est au contraire, c'est une opposition. Ouais. D'accord. Voilà. Enfin, en parlant de l'amour du vin, tu sais que l'Ecclésiaste dit le vin, c'est la vie. C'est, c'est vrai. Ouais, ouais. Bon, ok, alors peut-être qu'il faudra le dire à Marguerite de Navarre. Ou Eritas. Elle dit n'importe quoi. Non, il y a aussi ça. Enfin, merci beaucoup, France. Eh bien, c'est un plaisir. Et ben, on en a appris des choses ce matin entre la vie conjugale des pigeons et l'amour fils. C'était bien ça. Merci à vous deux pour ce bel entretien très intéressant. Et tout de suite, la carte blanche des vrilles. Le voici, le voilà, car nous l'attendions, Avery Colaubert, notre cher Cupidon. Entrant dans le studio, s'approchant du micro, va nous émerveiller de tous ces jeux de mots. Bénissons ces instants avant qu'on le débranche, car c'est l'heure, auditeur, l'heure de la carte blanche. Je ne sais plus comment te dire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et non-binaires, bonjour. Aujourd'hui, chers auditeurs, ma carte blanche devient une carte d'amour. Et oui, c'est la Saint-Valentin. Et à la matinale de l'ONS, on est heureux de fêter l'amour avec vous. Oui, car nous sommes particulièrement sensibles à cette fête à la radio. Allez, une petite citation pour commencer. L'amour est une fleur dont l'homme est la tige et la femme le prestige. J'espère que vous apprécierez ma métaphore particulièrement évocatrice. Mais tout n'est pas rose lors de cette Saint-Valentin. C'est aussi la dernière émission de Clément qui laisse une veuve éplorée derrière lui, Sabine, qui va demeurer seule, triste et vagabonde. Moi, j'ai perdu mon alter ego, Anatole, avec son autre carte blanche. Où es-tu, Anatole, parti en Anatolie ? Ma seule consolation est de retrouver Isolde, qui était coincée par la neige la semaine dernière. J'étais pourtant persuadée que tu allais arriver à temps, Isolde, car après tout, tu fais tout fondre. Donc, au moins, la présence d'Isolde est une bonne raison ce matin d'être heureux, enfin d'être Tristan. Et Nicolas A, cher Nicolas, grâce à toi, le fond de l'air est aussi rose. Tu distribues de l'amour partout. Et ce n'est pas pour rien qu'on abrège souvent ton nom, Nicolas Delafond, en Nick à fond. Si poétique. Alors, j'aurais pu arrêter ma chronique ici. J'aurais pu vous faire croire que cette journée n'est que la journée des amoureux et vous laisser déguster de doux moments avec votre conjoint en finissant ma carte blanche sur une note sucrée. Eh ben non ! Chers auditeurs, vous avez cru que vous alliez pouvoir vous vautrer dans le stupre, dans des déclarations d'amour mielleuses, mais c'était sans compter sur ma rigueur morale inflexible qui ne tolère pas la licence de notre époque. Alors laissez-moi mettre les barres sur les T, les points sur les I et les queues sur les Q. Oui, car aujourd'hui c'est aussi le mercredi des cendres, donc jeûne et abstinence, jour où l'on s'abstient de faire bonne chère et de la chair aussi. À la rigueur, vous avez le droit aux chaires du Collège de France, nonobstant. J'ai un peu l'esprit d'escalier, c'est pour ça que je finis avec le mercredi des cendres, même si ça ne remonte pas le niveau. Le mercredi des cendres, c'est quoi ? C'est le début du carême, donc abstinence de tout. Et quand je dis de tout, c'est de tout, de tout, de tout, de tout. C'est dommage, hein ? D'ailleurs, j'y pense. Mais le cuisinier de Talleyrand s'appelait Carême. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'ironie tragique. Bref. Vous avez cru donc que vous alliez pouvoir déclarer votre flamme, montrer que vous brûliez d'amour, mais à la place des feux de l'amour, vous n'avez que le mercredi des cendres. Mesdemoiselles, vous vous êtes cru princesse, mais vous n'êtes que cendrillon. Messieurs, vous avez cru qu'on allait vous offrir une écharpe Burberry, mais vous allez finir avec un pull Sandro. C'est exactement comme dans Roméo et Juliette, récemment mise en scène à la Comédie Française, car leur amour est rattrapé par Lord Capulet, interprété par... Didier Sandre. Coïncidence, je ne crois pas. C'est Brice Hortefeux qui va être content, car c'est un peu sa fête le mercredi des cendres. D'habitude, à la Saint-Valentin, on offre, comme le dit Dalida dans la chanson, et oui, je vais rechanter de mon jingle, caramel, bonbons et chocolat. Si tu n'en veux pas, tu peux toujours les offrir à une autre. Bon, mais c'est aussi jour de jeûne, donc il faut être à jeun. Donc Isolde, tu peux m'offrir des pruneaux d'Agen. Bon, alors pour vous faire comprendre l'ironie de la situation dans le fait que la Saint-Valentin tombe un mercredi des cendres, voici un petit apologue pour illustrer mon propos. Alors c'est un curé français et un curé allemand qui voient passer une jolie fille. Le curé allemand dit... Schöne. Et le français de répondre et abstinence. Bref, alors pour les célibataires, c'est une journée assez chouette. Voici quelques anecdotes trouvées dans la presse pour vous montrer que les histoires d'amour finissent mal. Au Paraguay, le président d'un club de football a déchiré le contrat d'un de ses footballeurs qui était son amant parce qu'il entretenait une relation avec son agent. Oserais-je dire que c'est une histoire digne du paraguay ? En même temps, comme dirait le proverbe, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer de but. Sinon, pour finir, voici un sondage étonnant publié dans Le Parisien. 49% des Français considèrent que leur animal de compagnie est plus affectueux que leur partenaire sexuel. Comme quoi, l'antispécisme gagne du terrain. 36% des Français affirment raconter à leur animal de compagnie des secrets qu'ils ne partageraient pas avec leur compagnon. Ce qui représente un Français sur trois. Ça veut dire que dans cette salle où nous sommes 12, je crois, hein, j'ai cru compter même plus, il y a au moins 4 cinglés. Après, je comprends, c'est vrai que c'est agréable de passer un moment d'intimité avec sa chienne, mais comme dit l'adage, balance ton porc. Oh, d'ailleurs, c'est le nouvel an chinois vendredi, et je voulais vous dire qu'en astrologie chinoise, je suis cochon. Enfin, 21% des Français admettent qu'avoir un animal de compagnie est synonyme de moins de relations sexuelles. Et l'article tient à souligner que même les célibataires considèrent que leurs animaux interrompent leur entrain sexuel. Alors là, moi, ça me laisse vraiment songeur. Ça veut dire que des hommes adeptes du plaisir solitaire se disent en voyant leur chat « Attention, le petit oiseau va sortir !» Bon, alors voilà, je vous ai dressé un portrait assez sombre finalement de la situation affective des Français. Donc finalement, la Saint-Valentin, le jour des mercredis des cendres, c'est un mal pour un bien. Merci, merci Evry. Et merci surtout pour les alexandrins. J'y suis très sensible. La préparation. Je me permettais juste une petite interruption, une minute, pour remercier, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure et c'est important, remercier Vadim Lebovici et Luca Willems. Ils ont monté et organisé Maths pour tous, ce séminaire qui permet de découvrir les mathématiques sans rien y connaître à partir de problèmes motivants. Voilà, vous pouvez retrouver les informations sur leur site internet séminairepourtous.ens.fr. Tout ça, c'est attaché en minuscules. Amusez-vous, il y a des vidéos et une chaîne YouTube Map pour tous à retrouver pour comprendre un peu ce qui a échoué dans votre enseignement des mathématiques. Voilà, merci. Bonjour Morgan. Merci Morgan. Et vient l'heure des adieux. Adieu déchirant, vous brisez le cœur. En effet, c'était la dernière de Clément avant son départ pour l'Orient. Il va tracer sa route à lui sur la route de la soie. Et pas de pot de départ à transmission, mais des poèmes. Alors en voici un dernier pour la journée. De son air calme et rêveur, Pierrot Lunaire un brin farceur, dès les premières lueurs, il vous réveille à 8 heures. Enchaînant les facéties, jamais par la fatigue obscurcie, il enchaîne les cabrioles sans que le rythme ne s'étiole. Maniant la langue française, bien assis sur sa chaise, il nous emmène vers des horizons infinis. Clément Woman Haini. Est-ce que j'ai bien prononcé? Parfait. C'est qui veut dire Nous t'aimons. Nous, voilà, en chinois. Mais moi aussi, je vous aime très, très, très, très fort. Oh là là, quelle pression. Je vois les mots techniques. Bon, je voudrais juste remercier tout le monde. Enfin, déjà tous les chroniqueurs, parce qu'ils sont très gentils. Et je passe tous les mercredis matin des matinées très, très, très marrantes en général. Des fois un peu moins, mais c'est quand même sympa. Après, je voudrais remercier aussi... Je voudrais remercier Anaëlle et Avry qui m'avaient coaché pour les débuts, c'était pas facile. Et puis merci aussi à Mathieu qui m'avait aussi aidé pas mal. Et puis merci à Sabine parce que j'ai pas préparé quelque chose, mais c'était vraiment sympa de travailler avec toi. Et puis voilà, merci aux auditeurs, ceux qui nous écoutent. Allez. L'émotion lui coupe les mots. Quant à vous, chers auditeurs, eh bien, on se retrouve quand même la semaine prochaine où je présenterai Esselé, Veuve et Pleurée, la matinale. Rendez-vous donc sur les ondes mercredi prochain dès 8h. Et puis d'ici là, bonne semaine à tous.